Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bon mercredi soir à tous et bienvenue à l'épisode 151. Yes! De 151 de chez Papa Cassette. Ben oui. Salut Jean-François. Dominique, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ben oui. T'es en forme? Non, mais comme d'habitude, là, on vient être en déchéance ici, là, la forme, devant le public. Exact. La forme nous reprend tranquillement. Là, ah, ben, ça nous remet dans le petit voir Dino puis Pierre à feu puis tout ça avant de commencer. Là, c'est tant bon. Là, on a vu l'entrée de Dino. On l'avait jamais mis, en fait, Dino depuis le début. C'est l'entrée de Dino. Mais il l'appelle mon chien. Ouais. C'est pas un chien. C'est pas un chien, mais c'est un... Exact. C'est pas un Oparou non plus, comme Hoppy. C'est un dinosaure. C'est un dinosaure. Mais oui, ça fait du bien de voir Dino. J'avais oublié qu'il pognait les nerfs à chaque fois que Fred portait son casque de poêle, comme il dit si bien. Pour aller des bisons... à la grande réunion des bisons des prairies. Oui, exact. La grande fraternité. La grande fraternité. On sait pas ce qui se passe là-dedans. Le grand boubou pis tout. Fait que voilà. Une belle intro. On est bien tranquille. Pas grand chose en introduction. Première genre de mini tempête de neige de la saison. Là, ça commence tranquillement. Bientôt, on va chialer ces bas de neige comme deux gars en quarantaine qui chialent ces bas de neige. Il y en avait pas trop de neige l'année passée dans le temps des fêtes. Puis j'ai bien aimé ça. Non, ouais. Parce que j'ai de la route à faire le 25. Ouais. Fait que tu sais, c'était comme si de rien n'était, on va te dire. C'est beau à Noël blanc. Ouais, j'aime ça, un beau Noël blanc. Ouais, mais moi j'ai de la route aussi à chaque année, ouais. Je trouve ça lourd. Mais bon, fait que oui, on a des premiers soubresauts. Ben oui. J'ai sorti mes bottes. Moi aussi. Il a fallu. Pas mes ados par contre, là! Ouais, non, à nu-pied dans la neige en short. Là. En running dans la neige. Et t'es un gars, genre l'hiver, qui se promène en short, ah, pas ouais. Rapport. T'as pas fret aux jambes, toi? Là, ah ouais, il y en a tout le temps un esti. Mais je trouve que c'est vrai qu'on a moins fret aux jambes qu'ailleurs sur le corps. Pas une raison pour se dénuder les tibias, par contre. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait que, sinon, vous avez vu, j'ai publié cette semaine l'épisode de la technique Moneyball auquel j'ai participé, donc de Marco Bérubé. Et puis, c'est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur tout, en fait, les mêmes channels que Papa Cassette. Et puis, j'avais jamais vérifié, mais il n'y a pas beaucoup de views sur YouTube quand même, sur ces shows. Fait que, en tout cas, mais j'ai vu une personne commenter, ce que j'ai oublié c'était qui la personne qui avait commenté, faudrait que j'aille voir, mais là c'est trop loin dans mon téléphone. Mais ça a été un bon spectacle, j'ai bien apprécié. Donc si vous êtes curieux de connaître un peu d'où je viens et puis la source de mes projets et leur transformation vers des réelles entreprises, c'est pas mal de ça qui a été question. Jim dans le chat qui dit que c'était vraiment bien, merci beaucoup, très apprécié. Content de voir aussi que Jim, que tu t'amuses beaucoup à finir plusieurs jeux portables, surtout de Game Boy, bien sûr, et que tu fournis l'excellent groupe Facebook à finir des cassettes. Alors voilà, c'est bien apprécié. Tant qu'on plugue le groupe, tant qu'à l'être, si vous aimez finir des jeux, pas obligé que ce soit des cassettes, ça peut être des disques, ça peut être des jeux digitaux. Joignez le groupe Facebook, parce qu'il y a encore du monde sur Facebook. Finir des cassettes. Tu finis une cassette, tu prends des photos de ton exploit. Tu mets ça dans le groupe, tu mets une petite critique. Ouais, je suis là, je les lis. Il y a des gens qui ont des belles plumes, en tout cas. Oui, il y a des belles images. C'est le fun à lire. Hein. Exact. Il y en a qui sont mini-critiques. Très bien. C'est beaucoup de travail. Oui, effectivement. Beaucoup de travail. Effectivement. Fait que Dom, prend une petite gorgée, fait un petit peu de temps comme ça. Ouais, on continue sur notre Unibrew non sponsorisé. Non commandité, ouais, on fait une plug gratis, là. Exact, on continue. Moi, j'ai ma mère, elle dit « Qu'est-ce que tu veux, Noël? » Hey, on a Fingercut QC qui donne un tier à Tony Biz. Oh! Comment, Tony, il donne à Tony Biz? Gifted a tier 1 sub to Tony Biz. Ouais, tu peux faire ça maintenant. C'est qui Tony Biz? C'est un juste en haut. Ah oui, une gamer. On va les mettre d'ailleurs, les gens dans le chat, pour les saluer ouais, ce soir. On va les mettre, bien sûr. Bonsoir, gang, bonsoir. Fingercut qui arrive en grand avec des cadeaux. C'est le temps des fêtes. Hey, on apprécie bien. On apprécie beaucoup ça. C'est très apprécié. Non, ouais. Les games de risque, ça compte pas, Tony, parce que faut que ce soit des jeux vidéo. Fait que, ouais, j'ai demandé à ma mère. Ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu veux, là? Un petit quelque chose pour déballer, là, tu sais, je donne de l'argent. J'ai demandé une caisse de l'avant, c'ti, de Unibrew. Ah, ben oui. Le vieux modèle, là, avec l'eau bénite, la maudite, la trois pistoles. C'est une bonne idée, ça. Toutes ces belles bières-là à 9-10% avec lesquelles je vais me détruire la tête dans le temps des fêtes. J'ai ben, ben hâte. Ça s'en vient. Il reste un petit 3 semaines, puis on va être bien repu, bien plein. Oui, j'ai bien hâte à ça. On va avoir un beau break. Sinon, je veux souligner qu'on a eu un excellent Black Friday chez Retro MTL. Vendredi historique, vraiment. C'est la plus grosse journée de l'histoire de la boutique. Donc ça, c'est fucking insane. Énormément de commandes. En fait, toute la semaine, on a fait des promos à tous les jours. Pendant 8 jours, promos différentes, sauf Black Friday, qui était vendredi, samedi, dimanche, c'était la même pendant 3 jours. Mais un peu de tout, et puis ça a bien marché, vraiment. Alors, c'est bon, c'est ça? Oui, oui. Ben, on le fait à chaque année, on appelait ça Road to Black Friday. Mais là, on a ajusté un peu certaines promos et tout. Alors, pour nous, c'est un gros moment, parce qu'il y a beaucoup de préparation pour ça. Ouais, ouais. Moi, il faut que je fasse 6 visuels différents. Au format carré pour les médias sociaux. Ensuite, un autre format pour le site web. Ensuite, au format story. Et aussi un format pour mettre dans les écrans ici. Et puis, il faut que je programme tout ça, les textes qu'on a tout ça. Puis Martine, elle a un travail colossal de programmation. De programmation de toutes les collections qui vont être en promo à chaque jour dans Shopify. Et puis, il ne faut pas que ça fuck. Puis, il faut qu'elle enclenche ça à minuit. C'est ce qu'elle faisait. Elle enclenchait ça à tous les soirs à minuit pour que ça commence à minuit. C'est weird, c'est que ça ne soit pas automatisé, cette affaire-là. Ben ça pourrait sûrement, là, mais on n'est pas programmeur. Wow. Fait qu'on le sait pas. Puis, on dit, voyons, minuit, on s'en crisse, partait ça le matin. Mais non, pendant la nuit, on a beaucoup d'acheteurs. Fait que ça, c'est vraiment très bien. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Je vous vois, je vous reconnais de temps en temps. Alors, merci de faire vos emplettes chez Retro MTL. Il Mr. Rad Super qui dit « Salut les boys, je suis en Floride en train de me saouler dans un petit bar local. Je vous écoute votre émission Spotify à mon retour au Québec. » Ah, d'entendre ma question sur la lutte. Il manque un T à lutte. Ah ouais, là, il est sous. C'est correct, là, de toute façon, genre, j'y pardonne. Non, il est sous en Floride, c'est ce qui est bien. Ouais, ben, même mieux que nous autres, en tout cas. Monsieur Ross Super, c'est fantastique. Il est Ross Super. Ouais. Il y a Larry48 dans le chat qui dit départ de Fred. Donc, Fred. On va revenir dans le chat après. Fred Gémus a annoncé à son épisode de hier, entre deux parties, qu'il avait vendu ses parts à Retro MTL, donc à moi et Joe qui restaient. Alors, c'est une grosse nouvelle, en effet. Fred n'est ainsi plus propriétaire chez Retro MTL, donc c'est moi et Joe. Et puis, Fred a vendu ses parts. Comme il dit dans son show, il n'y a pas de beef. Il y a, t'sais, comme tout va bien, tout est bien correct. Ça a bien été. Mais allez écouter son épisode qui en parle. Et puis, moi, je vais pas en parler aujourd'hui parce que je vais rajouter d'autres segments à cette histoire-là. Et puis, on n'est pas prêt, mais ça serait probablement au prochain show. Là. OK. Fait que voilà. Donc, pour en apprendre plus sur le départ de Fred, allez écouter son dernier épisode de Entre deux parties. Et puis, en ce qui me concerne, je vais raconter l'histoire, moi aussi, ici, avec un supplément lorsque ça sera le moment de le faire. Pour Noël. Comme de Noël. En buvant le Porto. Quelque chose. Cool Pook 179. Salut les boys, c'est moi, Tom Fresh Jeff. Ah, dans Instagram, qui commente les questions de hockey. J'ai 21 ans et je te suis depuis que j'ai 17 ans. Je suis sûrement ton plus jeune fan. Lâche pas à toi et JF. Nice! Hey, c'est donc bien hot, ça. Ben oui. Qui aurait cru que des... Là, il y a 21, ça fait que ça fait 4 ans. Il y avait 17. Fait qu'il y a 4 ans, je faisais-tu ce podcast-là, moi? Là, oh, ouais, ça fait quand même un bout, tu le fais, là. Je devais commencer un peu, là. Fait que wow. T'étais sur RDS, tu le faisais dans le temps. Oui, c'est vrai. Ça fait quand même un bout que ça roule. Ça fait quand même un bout. Puis, il écoutait probablement aussi Rétro Nouveau, là, j'imagine. Fait que, ben, merci, Poupouk. Merci pour tes questions. Merci de commenter dans Instagram. Puis merci pour tes questions de hockey. Ouais, moi, hot, Jeff, on aime bien. Nous, on aime ça. Puis on adore, j'adore. Puis Jeff aussi, j'en suis certain, qu'on ait du monde aussi jeune qui écoute. Ben là, oui. Des vieux boomers comme nous autres. Ben, on n'est pas des boomers, là. On est des Gen Y. Y, moi, je suis entre Z et Y. Y, Z, X. Je suis plutôt... Ah non, X. X, on est-tu X? On est-tu X? Toi, c'est quoi, 79? 79. Moi, 83. Ouais, il me semble que j'étais tout le temps entre X et Y. Ouais, c'est ça, là. Mais Tony Biz qui dit, c'est bien triste, ça, par rapport à Fred. Ben, oui, mais en même temps, non. Tu sais, c'est la suite logique des choses. Et puis, tout le monde est bien dans ça. Inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. Fait que Fred, il est là pareil, là. Il reste un ami, puis il reste pas loin, puis il va venir encore ici, mais en tant que client cette fois-là. Et puis, il n'y a pas de stress. Ouais, c'est triste. C'est pas comme, ouais, là, il fallait qu'on mette Fred dehors, là, ça allait pas du tout. Là, dans... Il couchait avec le staff, il sniffait dans les toilettes, ça marchait plus pas, tout des mauvaises décisions. Ouais, ça, une par les autres. Il y a Figure Cut qui dit que son gars a 18 ans. Et oui, à date, il est peut-être le plus jeune. Ah, il y a des fans de 18 ans. Ah ouais, hein? Ben, Colin, c'est quasiment... C'est 2 ans de plus que mon fils. Fait que c'est pas loin de ça mon fils. Ça nous rajeunit pas. De voir des jeunes de même qui écoutent, c'est fascinant. Hein? Fred volait de la gomme dans les machines. Il y avait un paquet de gomme blanche dans ses poches. Ben oui, man. Bon, ouais, hein, t'as 44 aussi, Finger Cut. On n'est pas si vieux. Je vais avoir 45 dans 2 semaines, là, genre à Noël. En même temps que le Chris. Exact, exact. Bon, fait que, écoute, si on n'a plus rien en intro déjà... C'est un show qui sera 100% papa cassette ce soir, Dom. Je pense que moi, j'ai rien du tout. Je game pas, je suis loadé. C'est le temps des fêtes qui s'en vient, fait que c'est ça. Écoute, c'est correct. Je vais juste avoir besoin... Je trouve une fenêtre pour te préparer ton footage et mettre un nouveau clip des pierres à feu. C'est ce que j'ai comme temps libre. C'est correct, ça. C'est en masse, Jeff. C'est tout ce qu'on a besoin. Puis, j'ai de la collection intéressante. OK. J'ai 2 critiques à faire aussi parce que j'ai reçu des codes. Alors, je vais faire ça. Critique quand même rapide. Et puis, on va faire les questions de la semaine, du dernier épisode qu'on n'a pas eu le temps de faire. Dont la question, c'est à la lutte là, qu'on voulait tantôt se faire. Exact. Et où celle-là? Elle doit être là-dedans. Dans le Facebook quelque part. OK, OK. Bon, ben, on commence avec la collection. Collection. Alors ici, on commence avec quelque chose d'assez champ gauche, mesdames et messieurs. Il s'agit d'une boîte à lunch de Bionic Commando. Ben voyons donc! Oui, mesdames et messieurs, ces choses-là existent. Sealed en plus? Sealed. Donc cette étrange boîte à lunch... C'est beau ça! Wow. De Bionic Commando, avec Bionic Commando 1, hein, au NES. Oh, oui, le cover de l'original. De l'original, puis il y a du gameplay là, sur les côtés comme ça. C'est beau! Et puis, elle n'est pas déballée. T'as peu, je vais la tourner. Et puis, voilà. Alors ça venait, c'était un bonus de pre-order qu'il y avait chez GameStop. Ah ouais? Et puis, EB Games dans le temps. Et puis, ça venait avec des petits patchs là, qu'on peut se mettre sur le manteau, puis des petits stickers, des affaires de même, qu'on a, mais que je ne garderai pas, qu'on va vendre sur eBay, là. Mais ben quoi que les patchs... Mais c'est ton compte de cuir. Ah, mais je pense, je suis même pas sûr, c'est des patchs en tissu, genre c'est des fausses patchs. Ouais. C'est pas si intéressant. Okay. Mais la boîte à lunch, c'est vraiment... C'est hot. Beau, ça, pour vrai. Et puis, je dis que ça vaut 40$. Ça ressemble un peu à ça sur eBay. Là. Puis moi, je me serais attendu que ça soit introuvable, cette affaire-là. Ben puis, pourtant, il y en a pas mal, tu sais. Fait que c'est pas rare, mais c'est quand même fucking nice. Fait que moi, j'ai déjà une boîte à lunch en métal. Pour ceux qui écoutent en audio, c'est une boîte à lunch en métal. Là, une style, classique. Là, années 80, là, classique, classique. Ouais. Moi, j'en ai déjà une de Pac-Man. Fait que ça va aller à côté. Ou peut-être ici, dans le futur décor. Mur de boîte à lunch de gaming. Qui sait? Alors, très bel item. J'aime ça des fois du mobile memorabilia. Memorabilia, ouais. Comment est-ce qu'on appelle ça, c'est ça? Dégréments, moi, j'appelle ça. Dégréments. Les pre-order à l'époque, c'est pas le DAC qui nous offrait ça. C'est plutôt un consommateur. Non, je pense pas qu'il y avait du pre-order de jeux vidéo tant que ça. Là. Oui, je sais pas. Moi, mes parents, ils achetaient directement ce qu'il y avait de disponible dans le catalogue. Ouais, dans le catalogue. Il n'y avait pas de précommande. Il n'y avait rien d'autre. Fait que, on s'en va maintenant à la Nintendo Switch avec ce magnifique Atari Recharge Collection 1+2. Alors, ceux qui sont aware de ce qui se passe chez Atari sauront que Atari refont certains de leurs classiques en version Recharge. Okay. Fait qu'ils les refont vraiment, modernement et très bien. Puis là-dessus, il y a deux jeux. Il y a deux. C'est deux cases standard dans une packing slip en carton. Donc, pour ceux qui ne voient pas. Et puis, les jeux là-dessus, mesdames et messieurs, c'est Asteroid, Breakout, Black Widow et Centipede. Et puis, moi, dans le temps, j'ai juste joué à Black Widow. Puis, c'est drôle parce que c'est le moins connu parce que Black Widow est Black Guido. Black Guido. Comme dans Cars. Black Guido est un jeu d'arcade, twin stick shooter, là, très frénétique, là, comme Smash TV, ben, comme Robotron. Ouais, ouais. C'est super bon, là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis la version Recharge, Chris, ça coche, là. C'est vraiment un bon jeu. Avoir une arcade de Black Guido, man, ça serait bandant. Ben, ouais. Fait que voilà. Sinon, toutes les autres versions, j'ai pas joué encore, mais je pense pas déballer mon petit kit. Je vais les pogner. C'est pas cher, là, ces jeux-là, ouais, ouais, d'ailleurs, sur le store. Alors, amateur de Atari, je recommande ça absolument. Et puis, oui, sur la pochette, pour répondre à Tony Biz, sur le cover, c'est un medley des jeux. Donc, tu as la Black Widow, qui est une araignée, bien sûr, le centipède, le bras de Breakout, parce que Breakout, le artwork, c'est un genre de prisonnier qui défonce des briques pour sortir, là. Et puis, le vaisseau, wow, d'astéroïde. Fait que... Mais... En effet, c'est comme un gros crisse de package avec deux boîtiers dans un boîtier, tu sais, pour des petits jeux de rien, ouais, ouais, tu sais, qui en rentreraient genre 30 sur une seule carte. C'est absurde, pour vrai. Mais ça, c'est complètement absurde. Puis il va certainement avoir Collection 3, 4 aussi qui va sortir éventuellement. Ouais, ouais. Fait que moi, je cumule ces affaires-là. Je trouve ça magnifique. Et en tout cas, Black Widow, c'était vraiment bon. Ça coûte 100$, excusez, j'ai oublié de le dire. $100. Ouais. Retail, 100$, et je pense qu'il en reste un chez Retro MTL. Fait que checkez ça. Achetez-le dès maintenant. Finger Cut qui dit que pantoute, son père demandait de voir les boîtes de jeux au DAC, puis il lui permettait, au lieu de juste se fier au catalogue. Ah, ça, c'est quand t'étais sur place. Ouais, ouais. Mais moi, nous autres, en Beauce, il fallait monter à Québec là, pour aller pour acheter. Là, fait qu'on essayait de voir d'avance ce qu'on voulait. Alors ici sur Switch, Azure Striker Gunvolt 3 à $60 prix retail, disponible chez Retro MTL. C'est le troisième opus de cette série, mm-hmm, qui ressemble à un Mega Man X. Ouais, ça, ouais, fait quand même un bout, là. Le premier était disponible sur 3DS dans le temps. Fait que c'est une série qui continue par les bonnes gens chez Inti Creates. Et puis ça doit être more of the same, I guess. Probablement, ouais. Puis, il y a un spin-off de cette série-là qui est Luminous Avenger. Puis, il y a eu deux jeux de ça aussi. Fait que ça commence à être une grosse série. Fait que moi, j'ai les deux premiers, bien sûr. Fait que là, ben, je continue avec le 3. Mais je me demande si tu sais, je les ai faites, là, les jeux. Ouais, je, ouais, les ai trouvés bien. Tu sais, je jouais, mais j'étais pas en amour, là, tu sais. Fait que là, je me demande si je vais le déballer, ouais, puis jouer, ou sinon, je vais juste le remettre sur les tablettes puis vendre mes deux autres. Parce qu'à un moment donné, il faut que je trie, ouais, ouais, mes affaires, parce que ça coûte cher tout ça, Jean-François. Prendre de l'espace aussi, des beaux jeux de main, même si c'est des petites pochettes, là, la Switch. Là. Ça prend, ah, ouais, de l'espace. Ça, ça s'accumule, en effet. Uh-huh. Fait que, mais oui, ça coûte de l'argent, tout ça. Ça coûte de l'argent, malheureusement. Même, en tout cas, fait que je me suis laissé aller avec ça. Mais quelque chose qui n'est pas une perte d'argent, selon bien des gens, c'est Animal Well, ici, sur Switch. 65 tomates, prix retail. Dis rien, ça. Et puis, ça, man, c'est comme considéré comme bien des gens, comme le meilleur jeu indie de l'année. OK. Et puis, c'est un petit, ah ouais, puzzle-ish jeu de petit animal là, pixelisé, là, qui a niveau par niveau, là, labyrinthe qu'il faut qu'il fasse. S'il y en a dans le chat qui ont joué à ça, vous pourrez confirmer si vous avez aimé ou non. Mais le consensus général est que ce jeu-là est fabuleux. Et puis, on n'avait pas commandé beaucoup. On les a vendus à la seconde. On en, okay, a recommandé. On les a vendus à la seconde. Puis là, on en recommande une autre quinzaine. Là, parce qu'on est crissement mal gâché, cette affaire-là. Fait que voilà. Succès inestimé. Là. Ah ouais, non, sérieux. Ça, c'est la grosse affaire. Là. Ah wow, c'est, OK. C'est très, très hot. Alors, on va en avoir une quinzaine bientôt là, chez Retro MTL. Là, d'ici la fin de la semaine, si on est chanceux. Fait que checkeras ça, JF, ça pourrait être un beau, ouais, jeu, ben du, oui, temps des fêtes, ça, pour relaxer pour toi, là. Ça me prend ça. Et puis, maintenant, mesdames et messieurs, oh my God, on, ooh, s'en va dans une catégorie qu'on va pas souvent dans la collection à Papa Cassette, la PlayStation, oh, 4. Shit. Avec le jeu Curses and Chaos, ah ben oui, à $30, used, à peu près la valeur. Et puis... un très bon jeu, ça. C'est un jeu développé, ben, produit par Tribute Games. Développé par Tribute Games. C'est le jeu qu'ils ont fait avant Flint Hook. Donc, il y a, dans l'ordre, il y a Ninja Sinky, mm-hmm, Wizorb, ouais, Mercenary Kings, ouais, Curses and Chaos, Flint Hook. Flint Hook, Panzer Paladin. Panzer, ouais. Puis les Turtles. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est un genre de beat'em up, mais style arena. Donc, t'avances pas dans le niveau, t'es tout le temps dans la même scène. Ouais, y a des ouais. waves d'ennemis qui te rentrent dedans. T'sais, qui on t'envoie des waves d'ennemis sans arrêt. Et puis, c'est ça. Faut que tu les bâches. Puis c'est pixel, là. C'est très pixel. T'sais, c'est pas des gros, c'est pas Street Fighter. Là. Ouais, c'est ouais, des ouais. petits combos, là. Où est-ce qu'il faut que tu te fasses de la place, puis tu punches, puis tu sais, c'est ça, c'est comme du combat d'appréhension, là, de planification. C'est dur à expliquer. Et puis, moi, j'avais joué à ça sur 3DS, j'avais bien aimé. Le jeu est fucking dur. Ah, c'est par tough, contre, là, vrai, ouais. On avait parlé à Retro Niveau. Ben, il était venu, en fait. Les gars, sur le podcast, Jeff, puis Yannick Belzil était venu, puis Michael, il est arrivé après, je okay, pense. C'était que Michael était ah pas non, là. Il a travaillé dessus, c'est vrai. Ouais, Michael était là aussi, il me semble. Les trois étaient venus sur Moreau. Oui, puis il l'avait présenté. Je on, m'en rappelle. On l'avait critiqué. Pour puis on l'avait critiqué on dans avait leur dit à quel face. Point c'était tough. Là. Exact. Puis j'avais critiqué le fait aussi qu'il y avait des entre les niveaux, il y a des shops, là, puis des stores, là, puis que c'était comme dur à comprendre, puis un peu off, là, tu sais. Fait que ça n'a pas été leur plus grand succès. Excusez ce jeu-là, là, c'est sûr. Mais c'est quand même intéressant. Puis si je l'ai pris, c'est parce que c'est la seule version physique qui existe. Ah, pour vrai? Hormis la version Vita. Mais moi, comme je collectionne pas le Vita, je me suis dit, je pogne la version PS4. C'est la dernière façon physique de posséder ce jeu-là. Ouais, à moins ouais. qu'il refasse sur Switch, mais je pense pas, ça n'a pas été un hit. T'sais. À moins qu'un jour, il y ait une Tribute Collection. Ouais. Ça serait hot en tabaslac. Mais Until Then, j'ai pris... y a-tu un disque là-dedans? Oui. Il y a des petits collants, là, puis tout. Là. Ça, puis c'est un Early Limited Run, ça, en passant, mesdames et messieurs. C'est le numéro 34. No. Puis même que Mercenary Kings est, je pense, le numéro 1 de Limited Run. Pour vrai? Ah ouais? Ouais. Wow. Le Tribute ont été très, très, très tôt avec Limited Run là, pour les utiliser comme publisher. Là. Fait que ça, c'est cool. Très hot. Alors, maintenant, me donnerais-tu une autre bière, Jeff? Oui. Tu serais bien qu'est-ce smart. Je prendrais une belle IPA. Parce que vu que mon épouse est partie avec la voiture... Ouais. Mon épouse est partie avec la voiture. Et puis... fait que je suis venu en boss, puis je t'ai quitté un lift, alors ouais, tu vas pouvoir me ramener. Moi fait aussi, que... j'aurais autant de bière de but que je vais probablement t'en jouer. Fait que mon objectif est d'en boire le plus possible. Garde-toi. C'est ma deuxième. Ce sera moi, le lift attitré. Exact. Dans la neige, puis les pneus d'été qui dérapent. Mais non. J'ai les pneus d'hiver. Ah, oh, je suis pas stressé. Pas fou de même. Fait que là, mesdames et messieurs, ça devient sérieux. Ouais, ça niaise plus, là. Ça niaise plus. Un jeu de Super NES qui s'ajoute à la collection. Il s'agit de Pack in Time. Le fameux jeu impossible à trouver qu'on a donc parlé. Exactement. Des épisodes, ouais. Qui vaut 40$. Et puis, je l'ai. Et puis, il est mint. Parce que... C'est-tu un achat Lucky Game, ça aussi? Non, propre de même, non. Puis, tant qu'à y être, il s'ajoute un deuxième jeu, Jean-François. Oh mon Dieu, je peux pas mettre les deux prêts en même temps? Non, mais... Tiens! Syndicate s'ajoute aussi à 200$, peut-être même un petit peu plus sur Price Charting. Et puis, grâce à l'ajout de ces deux jeux-là, je complète officiellement le J'aurais full dû mettre set. Un son de succès sur le board, j'ai pas pensé. Oui, j'y ai pensé, mais j'ai oublié de te le dire. Mais j'y ai pensé dans la douche ce matin. Je sais, non. Fait que voilà. Et ces deux jeux-là proviennent d'une collection. Bon, vous avez vu chez Retro MTL, on a parlé, puis on a acheté une très grosse collection, puis on en présente des chunks, mm-hmm. et puis ça finit plus. Puis dans cette collection-là, il y aura du Super NES à venir, qu'on n'a pas encore, qui est encore chez la personne. On va sûrement regarder ça pour 2025, là. Mais il y en aura beaucoup. Mais vu qu'on est déjà parti avec un bon chunk de collection, puis la personne savait qu'il manquait juste ces deux-là, fait qu'il me les a juste, tiens, prends-les tout de suite, là, le reste on verra plus tard. Fait que ces jeux-là, par ailleurs, sont mint, sont beaux, sont dans des boîtes. Tu sais comment il est laid en beau, le logo de Ocean. Oui, oui. Ça, c'est un label cheap là, de late release en genre de cartonné papier là, dégueulasse. Ouais, là. Ouais. Puis ça, bien sûr, tu peux pas frotter ça là, parce que ça... suite l'encre, elle va s'en aller. Celui-là, il est très, très, très glossy, là, mais ça, c'est de la merde. Fait que faut faire attention. Mais il était CIB, il était complet en boîte. C'est malade. Puis les boîtes étaient mint, il y avait les petits sachets, tous les inserts. C'était des jeux neufs, que personne n'a jamais joué, il avait juste été déballé. Fait que si vous voulez, mesdames et messieurs, boîte et livret de Pack and Time et Syndicate, c'est disponible chez Retro MTN parce qu'on vend aussi des boîtes à l'unité avec leur livret. Donc voilà, moi je ne voulais pas boîte et livret pour ces jeux-là parce que je m'en sac. Ouais, ouais. Mais j'ai payé pour ça. Alors, waouh, c'est incroyable. C'est fou, là, ça. Fait que grâce à ça, Jeff, ça nous met à... Tu veux que je te mette ça ici? Je peux mettre ça ici. 721 jeux sur 721 du full set Super Nintendo. Victoire! Victoire! C'est fait! Ah. Une belle épopée. C'est une belle épopée, ça. C'est mon troisième full set. C'est fou, ça, pareil. Ah, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne m'avaient jamais entendu en parler, c'est mon troisième full set. J'ai fait NES en premier. Et puis, j'ai fait Game Boy avec, en compétition avec Fred à l'époque à Retro Nouveau. C'était vraiment un beau moment. Et puis, c'était combien de Game Boy? C'est beaucoup, me semble. 500, je pense. Je pense que c'était plus que ça. NES, c'est 600. Super NES, c'est 700. C'est plusieurs centaines. Quand même. Puis, ouais, quand même. Et puis, puis là, ben, Super NES, j'étais pas mal tout seul. Je connais personne d'autre qui l'a fait, à part un gars à Québec, que lui, il l'a fait complet en boîte. Il a fini depuis une couple d'années. Qu'est-ce qu'on plaît en boîte? Complet en boîte, man. Wow. C'est démentiel. Mais, ça doit être propre, ça. Je connais personne dans notre entourage qui l'a fait, mais j'en vois là, sur Internet. Là. Mais je sais pas si au Québec, il y en a d'autres qui l'ont avoir fait. Avoir eu un full set à faire, je pense arrêter le Super NES, moi aussi. Ben, il y a de la marde, hein? Ouais, j'imagine, ouais. Mais toutes les sets ont beaucoup de marde. Ouais, ouais. Mais on dirait, c'est le ratio bon jeu, tu sais. Ouais. On dirait qu'au NES, il y a plus de bons jeux par ouais, rapport à la quantité ou c'est parce qu'on pardonne parce que ça fait tellement longtemps, c'est tellement vieux, puis début de console, tu sais. Mais je pense j'sais que pas. Super NES aussi, on y donne pas sa chance beaucoup parce qu'on connaît moins les jeux qui pourraient être des hidden gems. Ouais, on est plus ces gros succès. On est trop ces gros succès. Fait que dans le chat, Larry shit. Larry dit le Griforce complete. Oui, mesdames et messieurs. Parce qu'un jour, Kevin Boilly, notre ami, a dit ouais. Faut que tu fasses les trois pour avoir le Griforce. Puis là, je suis comme waouh, t'as ben trop raison. Fait que ça m'a poussé vers ça. C'est tout de sa faute. Ouais. Fait que merci tout le monde dans le chat pour les qui disent les bravos, les fuck yeah. Les dinosaures qui dansent. Les dinosaures les qui dansent. Les dinosaures. Fait que sinon, pour la valeur totale d'un full set Super NES, mesdames et messieurs, j'ai... Quelques centaines de dollars. Ouais, j'ai 400 piastres. Mais je peux regarder dans mon application. Je vais regarder dans mon application qui est ici. Mais là, ça va être biaisé parce que ça, là-dedans, il y a mes boîtes. Ah, oh, ouais. J'ai rentré ma collection dans cette application-là, puis il y a les boîtes aussi. Puis les boîtes, ils ont une très grande valeur. Ouais, j'en ai au moins une trentaine. Là, mettons une boîte de Hagané, ça rajoute des milliers de dollars. T'sais. Fait que okay, j'ai plusieurs boîtes à milliers de dollars. Là. Une boîte de Hagané, pas Magané. Ouais, c'est ça, pas trop Magané. Non. Mais sinon, la valeur de ma collection Super NES, selon mon application, qui est pas mal proche de Price Charting, c'est 54 000 $. Fait que ça, c'est bon. Quand même. Fait que sinon, si je regarde, si je vais dans le NES, la valeur d'un set, de mon set NES, 82 000 $. Puis la version Game Boy, le set Game Boy, sûrement un peu moins, 30 000 $. Fait que si on accumule tout ça, juste pour les cassettes, c'est beaucoup de dollars. Oh, oui, oui. Mais là, j'ai d'autres affaires aussi. Fait que c'est assez malade. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux trouver une façon de présenter ça au monde. Là. Ouais, ouais. Je voudrais filmer quelque chose. Ouais, là. Genre, comme ça, ça serait vraiment ça serait, nice. Ça serait ça. Parce que moi, présentement, dans le sous-sol chez nous, c'est le chaos parce qu'on a descendu mon plus jeune. Oui, on a des photos. Ben oui, t'as raison. Vas-y. Alors, voici une première photo. Pour ceux qui écoutent le show depuis bien longtemps, avant la COVID, on a fait excaver le sous-sol et on l'a fait finir. Et puis, ce que vous voyez là, c'est un check dans le mur, une espèce de trou. OK, c'est pas des tablettes. C'est encastré dans le mur, ça, direct. Ben, ça, c'est un grand, grand, grand trou rectangle. Ouais, ouais. Que j'ai fait aménager. C'est pas comme des tablettes qui sortent de ton mur, ça, c'est renforcé. Exact, c'est okay. Flush au mur, en fait. C'est beau, ça. C'est ça. Et puis, ces tablettes-là, c'est des marches d'escalier, en fait. J'ai fait faire ça par un ébéniste custom. Et puis, à gauche, les plus petites tranches, ça, c'est le full set NES. Et à droite, c'est le full set Super NES moins deux cassettes qui sont présentement ici avec nous. Parce que c'est pour ça qu'il y a deux trous et que c'est pas clean. Là. Ils vont dans ces trous-là. Là. Mais c'est complet là. Puis là, tu vois, en bas, il y a un peu de jeu de NES, Super NES en boîte en bas. Ouais, en bas. Ouais. Mais j'aime pas ça. Là. J'aimerais ça que ce soit que cassette. Puis le set Game Boy, là-dedans, ça fonctionne pas parce que c'est des petites affaires derrière. Ouais, ouais. Tu peux mettre les prochaines photos là si tu veux. Fait que je sais pas encore comment je vais aménager ça parfait, mais puis tu vois, il y a un gap là. Une cassette de Super NES n'a pas la même hauteur qu'une cassette NES. Non, c'est vrai. Elle est un petit peu plus haute, fait que ça ne fit pas dans le crack à la suite de la NES, tu comprends? Puis la prochaine coche que j'ai de mes tablettes, tu vois, il y a des petits trous là. Elle est trop basse. Je perdrais une tablette en hauteur, tu sais, si j'expande pour que tout fit ensemble. Ouais. Mais peut-être que c'est ça la solution aussi. Il va falloir que je check ça. Là. Mais ouais. Tant qu'à y être, j'ai mis mes boîtes. C'est là, beau, ça. Ça, c'est des belles boîtes. Il y a des grosses boîtes là-dedans. Avec ton là. Petit Goomba qu'on avait présenté ici. Oui! Le unboxing. Le unboxing du petit Goomba. Avec le spring sèche là, qui marchait pas super bien. Ouais, la ventouse sèche. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as la ventouse sec. Ouais. Ça, c'est mes autres jeux Super NES là, qui sont ailleurs parce que j'ai plus de place là, bien sûr. Fait que, c'est quoi en bas à gauche? Un cendrier? C'est un cendrier, okay. Ça, fait en 3D print de pinball, d'une pinball d'Atari qui s'appelle Middle Earth. OK. Dont j'ai acheté à quelqu'un, à un moment donné, une affiche originale de genre 1978 puis que j'ai fait encadrer. J'ai mis ça dans mon sous-sol. Ah, c'est okay. Fucking nice. C'est clair. J'adore ça. Mais j'ai des belles boîtes là-dedans aussi. Puis là, tu vois ma fabuleuse collection de PlayStation 1 et 2. Ça, je n'ai plus que toi. Ouais, sûrement. Beaucoup plus que toi. Ouais. Ah ouais. J'ai beaucoup élagué avec le temps. Ça veut dire que je la sorte, toute ma vraie collection là, de jeux, puis que je la dépoussière un peu. Ouais. Dans mon locker en bas. Là. Puis j'ai mes deux petites bières là, de Super Bros et de Mario Paint qu'on a faites. Complète avec, en boire. Complète en canne. Ouais, complète en canne. Qu'on a faites avec l'espace public. Genre, je m'en garde une de chaque, bien sûr, en bibelot. J'en ai même dans mon bureau aussi. Ah, c'est magnifique. Fait que Chief Langlois qui dit « J'aime ce que tu dis. Je vois que tu as le même mindset de propreté et de rangement. » Oui, moi, c'est super important pour moi, le rangement. Même que quand tu regardes là, ce que tu vois là à l'écran, mes boîtes sont reculées vers le fond. Puis ça me fait chier, tu sais. Ah, comme perte d'espace, là. Exact. Si tu reviens deux, trois photos en arrière, ça, ici, ça paraît pas, mais en arrière de chacune des rangées, il y a un morceau de bois okay. Couché à plat qui fait exactement la largeur. C'est du MDF là, que j'ai fait couper. Ouais. Parce que quand je veux pas que mes cassettes ils soient au fond. Parce que mettons que ça mesure 10 pouces de profond, ces affaires-là. Les cassettes, ils font 3 pouces. Ouais. T'as un 7 pouces de perdu sur le devant. Ah, fait que moi, je pars de l'arrière pour que mes cassettes soient plus au devant. C'est une bonne idée. Pour qu'ils soient flush. Le NES, c'est parfait. Là. C'est flush en hauteur. C'est flush avec le bord. Là. Il y a un demi-pouce là, avec le vrai bord de la tablette. C'est crissement nice. Hey, c'est beau. C'est beau. Mais là, c'est ça. Il y a une lampe à terre, un bac, des affaires. Je suis entre. La fois que j'aime le plus, je pense que cette photo-là, c'est ton affiche Nintendo à gauche en haut. Là. Ben oui. C'est magnifique, ça. Je l'ai acheté à notre ami Nick Chalifou. Ben oui. En fait. Tellement beau, ça. Très content de ça. Wow. Et puis, tant qu'à y être, je sais pas si. Regarde la photo. Si tu vois, il y a la télé HD. Ouais. Il y a la CRT à côté parce que c'est toujours bon d'avoir une CRT. C'est la Toshiburaye, ça. C'est une Toshiburaye, en effet, qui vient au WEG tout le temps. Et puis, pas mal la seule fois de l'année qu'elle joue, on va te dire. Et puis, à gauche, il y a un meuble IKEA. Ouais. Et puis, dans ce meuble IKEA-là, il y a des blocs blancs. Il y a un bloc de trucs blancs. Là. Ouais. Tu vois la blancheur. Ouais, là. Ceux-là sont les Nintendo Power de 1 à 80. Oh my God. Et puis, sauf le numéro 60 qu'il me manquait. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe-tu pas? On finit une autre affaire à soir. Badabing. Wow! Le numéro 60, c'est bien ça? Oui. de Nintendo Power, c'est-à-dire celui de Super Metroid. C'est le numéro qui me manquait, que j'ai pris aussi dans la collection qu'on a acheté. Alors, ça complète bien des choses. Eh oui. Parce que moi, je me suis fait un assez gros side quest assez important dernièrement d'avoir les numéros de Nintendo Power de 1 à 80 qui couvrent tout jusqu'à la fin de la Super NES. Après commence la 64, puis ça, je m'en crisse. Puis quand moi, j'ai aucune nostalgie pour ça. Puis quand moi, j'étais abonné à Nintendo Power, j'ai pas commencé au début, là, mais j'ai commencé dans les vieux quand même. Puis c'est à peu près là que j'ai arrêté. Fait que là, je voulais revoir ça aussi pour le. Parce que j'aime ça, ces affaires. Du beau papier. Fait que c'est magnifique. Puis on va regarder. C'est complet. Regarde-moi ça en arrière, GF, le sport. Stanley Cup en gros. Cup en gros, gros. NBA Jam. Tout des bons. En fait, à part Stanley Cup, tout des bons jeux pas mal, ça. Ken Griffey Jr. Baseball, c'est super bon. NBA Jam, c'était bon. Oui. NCAA Basketball, c'en est un bon aussi. Puis on va. Je me demande, c'est quoi le poster dans... On va regarder. Ah, oh, wesh, on s'en calisse dessus. Ah, c'est de la jungle. Book. Chou! Déception. Déception dégueulasse. Il va pas être Kicks, genre, au moins, rendu là. Kicks au NES. Ah, ouais, comment ça, c'est beau, là. The King of Dragons. Est-ce que j'aime ça, les revues, pour vrai? Ah, moi aussi. Puis ce que j'aimais, c'était les illustrations là-dedans, là, tu sais. Il engageait un illustrateur pour faire des beaux dessins. Là, ça me manque du papier dans ma vie, je pense. Oui, hein? De lire des affaires sur papier, des revues, des trucs, des safaris, comme on dit tantôt avant le show. C'est clair. Hey, je suis sûr qu'il y a un beau dessin de King of the Dragons. Ah non, ils ont mis le cover. Fait que, bref, en tout cas, tout ça est absolument magnifique. Alors, c'est complet pour ça aussi, mesdames et messieurs. Je complète deux affaires ce soir. Et puis, je vais vous les présenter aussi d'une façon ou d'une autre en photo. Je sais pas, les numéros de ça. Tu en passes la lecture comme un audible de dans chaque numéro. Page 1, Nintendo Power. Ah ouais, faudrait que je fasse ça. Hein. Chief Langlois qui me dit... Je te l'ai dit que je pourrais te débarrasser de ton gros meuble qui est très encombrant. Oui, je t'oublie pas. Si je prends une décision, je te fais signe, en effet. Faut que tu m'expliques pourquoi tu gardes tous les jeux Atari en boîte. Danny du Gamix fait pareil. Je garde pas tous les jeux Atari en boîte, par contre. Mais juste la série Silver, que j'essaie de l'avoir complète en boîte. C'est pas vrai. Toute Activision en boîte. Puis, j'essaie de boîter les séries que je fais, en fait. Simplement, au niveau de l'Atari. C'est purement ça. Fait que tant qu'à le faire, je le fais en boîte, t'sais. Mais je fais pas toute Atari, là. Un moment donné, j'étais parti puis je closais des séries. Puis ces séries-là, je faisais juste en cassette, t'sais, parce qu'en boîte, c'était insane. Mais j'ai tout vendu ça, là, pour affûter la collection encore une fois. Chris, que je me hypais avec celui qu'on voyait des previews de Mega Man X3. Hein? Jim, as-tu déjà pensé de présenter toute ta collection NES? Je vais tout présenter ça un moment donné. Là. Ça va se faire. C'est pas le temps qui. C'est pas le temps qui manque. C'est le temps qui nous manque, là, mais c'est pas le contenu qui manque à présenter. Là. Non, mais c'est l'organisation aussi. Ouais. Tant qu'à le faire, je vais le faire d'une belle façon. Ouais, comme ton rangement, de façon propre. Là, et exact. Quelque chose qui look, là. Ça va être une vidéo qui aura sûrement beaucoup de views, tu sais. Probablement. Qui va rester dans les annales. Je veux que ça soit big, tu sais. Je veux attirer même l'attention des médias avec ça. Là, c'est clair que si tu t'affiches comme genre quelqu'un a fini 3 sets de Nintendo, genre de NES, Super NES, Game Boy, ça va attirer l'attention. Il a 3 librairies complètes chez lui. Mais il ne vit pas dans le sous-sol chez sa mère. Non, c'est les Ferrandaises qui sortiraient ça normalement. Là. Mais tu sais, Fred, il y en a 4. Là. Il y en quand a pas fou, mal. Hein. Ah, quand même fou. À nous deux, ça fait beaucoup de full set, ça. C'est, ouais, c'est beaucoup de cassettes. C'est beaucoup de cassettes, ça, mesdames et messieurs. Ouh là là. T'sais, on parlait de musée, on devrait s'en faire. Hein. Mais réécoutez les archives qui roulent sur Young Media de Rétro Nouveau pour toutes ces aventures de game chasing-là, de les aventuriers de l'or gris. Ben oui, absolument. Tout ça est documenté là, depuis des années. Là, Fred a un full set de NES, il y a un full set de Genesis en boîte, un full set de TurboGrafx-16, un full quand set même. De Game Gear. C'est fou pareil. Fait que, tout ça est de la folie pure, mais tout ça c'est beau. C'est une belle maladie mentale. Exact. Fait qu'on va aller en critique. Parce que t'as des critiques à faire, c'est vrai. On a des critiques à faire. Par quoi on commence? Ben, t'en as deux, fait que choisis celle que ça te tente. On va commencer par Snow Brothers Wonderland, qui est un jeu développé par Tatsujin, publié par Clear River Games, et c'est disponible sur toutes. Je suis content, GF, de voir que t'as réparé l'espace en trop qu'il y avait. J'ai compris ce que tu voulais, là. On s'est juste pas compris l'autre fois. Ben, je t'avais juste pas dit, là, je pense, ou je sais pas quoi. Des fois, j'ai pas les réflexes de graphiste. Je regarde, je pense que ça a l'air aligné, mais je suis pas sûr sur quoi faut que je l'enligne. Là. Ben, là, tu vois, il resterait juste une petite correction, c'est de rapetisser l'espace entre les plusieurs lignes qu'il y a du gros titre. Là. Ah, ben ça, c'est ton template, ça. Ben, mon template était correct. Ce passe-là, tu l'as retravaillé. Puis, parce que dans Photoshop, il faut le refaire à chaque fois. Ouais, sinon, ça casse. C'est peut-être ça de bord. C'est ça qui est de la merde. Alors, que sais-tu? Mais... On va aller leur loader de nos assets. Ouais, mais anyway. Des belles discussions de backstage, là. Mais tout ça est bien correct. Alors, je t'en niaise avec ça. Ben non, je sais bien. Puis ça, c'est un cas... Ben, là... C'était-tu en pâle, la pochette, au moins? Ou... Ça a l'air d'être la pochette qui fit le monde entier. Ouais, c'est ça. Ça devrait être bon. Et puis, c'est un code que j'ai reçu de Free Mode, qui sont la compagnie, une branche d'Embracer. D'Embracer, qui m'envoie des codes. Alors, compagnie parapluie. Là. Exactement, exactement. J'étais bien content parce que moi, je suis un grand fan de Snow Brothers. Vraiment, j'ai adoré. On a parlé souvent de ce jeu-là, de l'original. Là. Oui, sur arcade, qui est excellent. Au NES, excellent port. Game Boy, excellent port aussi. Beaucoup plus, ben, plus slim, mais toujours aussi bon. Il y a eu un jeu sur Switch qui est sorti il n'y a pas si longtemps, Nick and Tom Jr., qui était un remake de l'original, mais avec certaines choses. On n'a pas trippé follement, mais tu sais, c'est Snow Brothers. Alors, avec celui-ci, Wonderland, c'est on s'en va ailleurs en tabaslac. Oui, c'est vrai. On n'est vraiment pas... Parce que Snow Brothers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Bubble, OK? Sauf que tu as un petit bonhomme de neige qui lance des boules de neige sur les méchants. Les méchants deviennent des grosses boules. Puis on aime ça, les grosses boules. Oui. Puis là, tu pousses ces grosses boules-là. En bas. En bas, puis ça roule, tu sais, dans le niveau, puis ça écrase les autres bébites. Grosse boule qui roule. Exact. Grosse boule qui roule, amasse bébites. Et puis les bébites mourants, ils deviennent des sushis, là, puis de la bouffe. Et puis, à Bubble, ça devient des fruits, tu sais, des affaires de même. C'est un peu la même gamique, là, carrément. C'est tu peux jouer de des chapeaux? Oui, tu peux acheter plein d'affaires. Wow. Puis, that's it. Fait que dans ce jeu-là, par contre, Wonderland, c'est en 3D. C'est top-down. Ouais, on est crissement ailleurs. 3D. Ouais, là, c'est un platformer de 3D. Vu de un peu loin, je dirais. Vu de plus du dessus que du derrière, si pas je peux dire. Mais c'est un peu isométrique. Genre, point de vue, là. Genre, tu sais. Puis, bon, moi, j'étais... Puis le look, il est pas bien beau, tu sais. Comme juste le art, le title screen... cet art-là, il est correct, mais il fait pas rêver. Mais quand tu commences le jeu, tu sais, comment dire, il y a un paysage, puis tout est gris, il y a à terre, il y a du brun, puis de la neige, tu sais, comme, mets-moi pas un paysage de slush, puis vase, là, tabarnak, c'est l'hiver, c'est la joie. Mais moi, de la neige qui brille, là, tu sais, quelque chose. Excuse, je suis comme mind blown par le timing de la musique. Bubble, comme... C'est totalement pas voulu. C'est fou, Red. Puis c'est ça, tu sais, comme visuel. D'un, tu sais, tout le look, les paysages qui est pas dans le gameplay, c'est pas beau. C'est sale, tu sais, c'est pas brillant. Ouais. Qu'on voit à l'écran, les niveaux, c'est terne. Il y a un petit fond de terne, tu sais, puis il y a... Comment dire? C'est dur de voir visuellement qu'est-ce qui est du niveau ou pas, tu sais. Il faut qu'ils mettent des petites... clôture, là, tu sais, puis il y en a qu'on peut jumper, il y en a qu'on peut pas. Ah, mais tu sais, en partant, t'es un bonhomme de neige, puis il neige, puis c'est blanc à terre, fait que tout se confond un peu, c'est vrai, là. Fait que, ouais, on dirait qu'ils ont forcé à mettre c'est du gazon, qu'ils ont pas choix puis de la brique à terre pour que tu puisses voir. Pour pas que ça soit blanc sur blanc. Ouais, c'est ça, là. Ah, c'est pas fou, c'est pas fou. Fait penser à la Verlechère, sinon, exact, c'est pas ça. Exact, dans le fond, c'est la Verlechère. Ça a inspiré la Verlechère. Snow Brothers tirait la Verlechère. Pas Wonderland, la Verlechère. C'est Wonderland, la Verlechère, de toute façon. Il aurait dû appeler ça de même. Et puis, puis les bonhommes eux-mêmes, dans l'original, les bonhommes, c'est des bonhommes de neige. C'est des boules, tu sais, c'est des petites boules bedonnues, là, tu sais, funnées, là, qui se tiennent les mains, ses hanches, comme ça, là. Puis que quand ils jumpent, ils font un genre de front flip, tu sais, qui est quand même pas mal cool, tu sais. C'est important, ce front flip-là. Ben là, il l'a plus là-dedans, sauf quand tu sautes des fois, plusieurs fois en ligne, là, d'un coup, whoop, il en fait un. OK. Puis c'est très oubliable, il aurait dû le faire à chaque fois. Et puis les bonhommes là-dedans, ils sont maigres! Puis ils sont tous chétifs! Ouais, ils sont petits avec une grosse tête. Puis là, quand tu commences le niveau, puis tu vois ton bonhomme. En gros, il fait juste comme shaker, esti, comme quelqu'un ça mettre là qui est mec, c'est vrai. Wow. Puis il est gris, tu sais, il est de la neige grise puis il shake, c'est dégueulasse, sérieux, ces personnages là sont laids. Fait que ça a été très décevant pour vrai. Puis bon, là la musique, tu commences premier monde. Moi, j'ai arrêté de jouer au monde 3, je sais pas il y en a combien. Dans le premier monde, c'est la musique classique de Snow Brothers, mais remixée, moderne. Ouais. Bien sûr, l'original est plus le fun. Et puis, pour les autres, c'est inintéressant. Puis bon, c'est encore une fois de mettre des ennemis en boule de neige pour pousser les boules de neige pour les écraser. Mais vu que là, c'est un platformer 3D, man, ils ont rajouté là, des tonnes de platforming là-dedans. Là. Le mal commence à partir du deuxième monde. Où est-ce que t'actives des switches, puis il faut que tu te dépêches de marcher sur des plateformes minces pour te rendre au point B, sinon tu tombes puis tu recommences. Puis c'est mal fait, tu sais, c'est pas Mario là. C'est pas tête comme Mario du tout. Tu vois pas souvent ton ombre, tu sais pas trop où est-ce que t'es sur les plateformes, tu sais. C'est vraiment pas maîtrisé là. OK. Puis on dit dans le chat, on dirait un tableau de Mario Party. C'est vrai, hein? c'est qualité mini-jeu en fait. C'est un grand mini-jeu, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, les contrôles sont tough, tu sais. Et puis, bon, tu ramasses de l'argent dans les niveaux avec les points. Et puis, avec ces points-là, tu peux acheter certains skills. Que ça, c'est plaisant, tu sais, à tout le moins, plus de vie. Tes balles de neige vont plus loin. Tes grosses boules de neige, ils t'offrent plus longtemps avant d'éclater. Ce genre d'affaires-là. Un truc pour voir les indices cachés dans le niveau. Dans l'original aussi, quand tu prenais trop de temps pour terminer un niveau, il y a un bonhomme citrouille, une tête de citrouille avec une cape, genre, qui te courait après pour te tuer. Puis, mais tu sais, il apparaissait, là, puis il y avait une petite face, tu sais, mais comme un peu méchante, mais cartoony. Puis là, là-dedans, il y a ça aussi, quand tu niaises trop. Puis, mais là, il apparaît, puis là, la musique arrête, puis là, il y a une espèce de son, genre, super, comme, désagréable, épeurant. Puis là, il y a une faux. Puis là, il essaye de te trancher, man. C'est tellement de la violence, tu sais. Tout ça n'est pas nécessaire, là, tu sais. Pour des petits bonhommes maigrichons, en fait, Ben oui, tu sais. Tout est comme... essaye d'être un peu happy, funny, là. Sauf cette espèce de faucheuse diabolique-là qui est ben trop crinquée, là, tu sais. Là, des bouts de neige, la mort! On le voit à l'écran, le bonhomme, là, tu sais. Il est lettre, là. Il est tout maigre, là, tu sais. Ben c'est oui. Pas ça qu'on veut, pas en tout. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, il équipe des affaires. T'as des costumes aussi que tu unlocks. Il y a des... Ça donne-tu des power-ups, les costumes, ou c'est juste cosmétique? Cosmétique seulement. OK. Et puis, ils ont rajouté des nouvelles affaires aussi au niveau du gameplay. Tu peux pas juste rouler, pousser les boules pour les rouler, mais tu peux les soulever puis les lancer. Fait que ça, ça rajoute un petit quelque chose. Là, c'est pas inintéressant. Là, je tiens à mentionner que la musique qu'ils jouent, c'est pas un niveau de glace aussi dans Mega Man X. Genre chill. Ça se peut très bien. C'est que ça. Il me semble que oui, là. On remercie Shaq pour leur soundtrack. Absolument. Est-ce qu'on est dadon? Tu sais, quand les affaires sont alignées de même au hasard, ça veut dire que tu es en train de faire la bonne chose au bon moment. Tout à fait. Moi, je crois à ça. Fait que c'est ça. Deuxième niveau, des tonnes de platforming, man. Puis j'avais pas de fun, là. J'étais écœuré, là. Mais qui a demandé ça, genre? Ben absolument personne. Snow Brothers, mais refaite de ce genre-là. Puis eux autres, ils sont comme... Parce que quand tu reprends genre un nom connu, c'est pour te dire, ben genre, il y a du brand awareness, genre le monde savent c'est quoi. Le monde savait pas c'est quoi, Snow Brothers, là, en général. Non, ils savent pas c'est quoi. Tu arrives avec quelque chose qui est complètement off de ce qui est l'original. Ben, c'est un drôle de choix. C'est pas avec cette itération-là qu'ils vont le mettre sur la map, là, je te le dis, là, tu sais... Ben, les bonhommes sont pas sympathiques non plus. Ils sont bien trop romains, comme tu dis. Ah ouais. Puis, tu sais, il y a bien de l'histoire, là, puis tout. Ah, puis, on est les enfants, en fait, des originaux Snow Bros, là. Puis c'est ça, tu sais. Mais bon, il y a beaucoup de blabla, puis tout ça, là. Ça fait japonais un peu aussi, là. Puis, c'est ça. Mais ils ont rajouté d'autres affaires, là, des fontaines pour de la life. Là, quand il y a de la glace, de même, tu patines. Il y a des boss. Les mêmes boss, en fait, que l'original se répète comme boss de fin de monde. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun qu'il les garde. Bien sûr, il les réajuste, là, mais c'est les mêmes. Fait que ça, c'est quand même cool. Ouais, ouais. Ben, du moins pour les deux premiers. Le troisième, je me suis pas rendu. Puis, par contre, ça joue jusqu'à 4. Ah, fait que moi, j'ai refait le 2-3 niveaux du premier monde avec mon fils. Puis, on avait du plaisir. Tu sais, comme de jouer à, mettons, WEG, là, matin, là. Toi puis moi, avec un café banane, là, avant de commencer à boire. Je l'ai fait d'ailleurs, j'ai oublié de le dire l'autre fois, ça. Café banane? Café banane, bouteille d'eau. Oui. Je pensais que ça. Parfait. Ça m'a aidé au bout. Absolument, absolument. Après, je suis tombé dans la cuisson du bacon pendant des heures, là, mais... ça aussi, ça t'a aidé au bout. Ben oui, le gras d'en face. Fini luisant. Ben oui, le caféine, potassium, toujours, ouais, avec ça. Avec ça, un matin de WEG, tu sais, ou avec un copain, tu sais, on l'essayerait, tu sais. On aurait le goût de le faire, tu sais, de dire oh, on n'a pas trouvé le cadeau ici, attends, là, on va se promener, fuck la faucheuse, on va le trouver, puis on va avancer, puis on va le finir le jeu, tu sais, c'est quand même long. Il y a quand même pas mal de stock, là, je pense, là, au final. Mais, tu sais, on le ferait. Mais là, t'es plus dans l'original. Ça, c'est un petit segment. Comme on voit à l'écran, c'est un petit segment qui rappelle exactement l'original. J'ai vu juste ce segment-là et pas d'autres. Okay. mais oui, ça va en hauteur aussi avec des trampolines et tout. Fait que, bref. Mais pour finir ce que je disais, ça joue jusqu'à 4. À 4, ça doit être comme chaotique que le Christ. Mais même à 2... Dans le deuxième monde, mettons, là, quand il y a que du platforming, puis qu'il faut que tu cours au bon moment, puis là, j'imagine même pas l'autre qui tombe en bas puis qui chie la manœuvre. Si tout seul, je chie la manœuvre, genre 9 fois sur 10, à 2, là, juste ce deuxième monde-là, il doit être à se tuer, man. Fait que, non, là. Fait que, écoute, c'est ça. Je serais prêt à donner ma note, GF, qui va être de 2.5 pommes. Faut que j'aille dans l'autre folder. Ah, excuse-moi. 2.5 pommes à Snow Brothers Wonderland. C'est. Je m'attendais pas à donner une note aussi basse. Je m'attendais pas à un chef-d'œuvre. Non, c'est clair. Là, je me dis, tu sais, peut-être. Il y a de quoi. Mais finalement, non. Jim, dans le chat, il demande est-ce que c'est un bon achat ou une location. C'est une location, certainement. Même que là, je sais pas c'est qui va faire les versions physiques de ça. Si c'est Limited Run, on va s'en prendre 4-5. Là. Ouais. Parce qu'on peut les retourner, les Limited Run, qu'on vend pas après 6 mois. Puis fait que dans ce temps-là, on se laisse aller un petit peu plus. Par contre, j'en achèterai genre un seulement si c'est pas un Limited Run. Wow. C'est très épeurant. Juste pour l'avoir. Genre là, s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter. Mais là, vu que je chie dessus, personne ne va vouloir l'acheter, là, je sais pas. Mais non, je suis très déçu. Puis j'y rejouerai pas. Peut-être en coop avec une bière puis quelqu'un qui a envie de gosser un peu. Tu sais, je le garde, là. Mais tu sais, il y a tellement de meilleurs jeux à jouer en coop aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Puis il y a tellement de meilleurs jeux à jouer anyway. Ben oui. Parce que moi, quand je critique un code qu'on se fait donner, j'essaie de finir le jeu, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai comme non, là, ça suffit. Ça va être trop long anyway. Là, faut que j'en parle maintenant. J'ai fait 2 mondes et demi, puis. Là, moi, j'ai un hostie de beau backlog là, qui attend rien que ça, là, que je déballe. Là. Fait que je perdrai pas plus de temps à jouer à Snow Brothers. C'est clair. Mais je jouerai avec des gens. Peut-être que je vais l'acheter physique quand même pour la collection. Ouais, 20, pour toutes les avoir. Je serais du genre, ça serait mon genre. Fait que deuxième critique, right? C'est oui. Là qu'on est. Oui, oui. Et il s'agit du jeu... Le voici, c'est Hatch Tales. Donc, c'est développé par Atui. Et publié par Atui. Excusez. Et puis, ça look comme ça. C'est un... Oui, King Nadera dans le chat. Salt and Sanctuary. J'ai ce jeu-là depuis des années. J'ai jamais déballé encore. Ah ouais. Je vais le faire. Mais pour Hatch Tales, c'est aussi un code que j'ai reçu de la même gang. Puis là, Jeff, je sais pas si tu es capable d'aller à la caméra de collection. Oui, toujours. On a ça ici. Collection. Oups, il y a j'ai enlevé le 25$. Hein? Ouais, ben là, je sais pas les piastres par rapport à ça. Là, je vous présente ici le Atui Collection. Donc, le fondateur de Atui, qui est un développeur, qui est une compagnie, c'est un gars tout seul qui s'appelle Jules Watham, il me semble. Et puis, si vous êtes auditeur de Rétro Nouveau depuis très longtemps, vous saurez que moi puis Bruno, on aime bien ce Jules Watham-là. Qui opérait avant sous le nom de Renegade Kid. Ah, ouais, ouais, et ouais. Et puis, Renegade Kid sont les gens qui ont fait l'excellent Mutant Mode. Ouais, ben là, j'ai une connexion dans ma tête avec le gameplay que j'ai vu que tu m'avais fait faire. Là, fait. Exactement. Ah, ouais. Okay. Que moi, vous savez, quand c'est la 3DS malade, est arrivée, mode, j'ai c'est, capoté c'est excellent là-dessus. Comme jeu. Là. J'avais bien aimé ça, moi aussi. Ah, ouais, vraiment. T'sais, moi, j'avais trippé raide là-dessus. Puis ici, sur le petit bonhomme rouge que là, ça, c'est le bonhomme de Xeo Drifter. Ah ben oui. Qui est un genre de Metroid, là, mais vraiment pas long, là, puis très simple, là, mais ô combien agréable. Puis ce Jules-là, il travaille tout seul, man, puis il fait tout ça. Puis ça, si je vous présente la Atui Collection ici sur 3DS, c'est parce qu'il y a 2 autres jeux là-dessus. Il y en a un qui s'appelle... Chicken Wiggle et un autre qui s'appelle Bomb Monkey. J'ai jamais joué à Bomb Monkey, mais Chicken Wiggle, c'est le jeu... En fait, le jeu que je vais parler aujourd'hui, Hatch Tales, semble être Chicken Wiggle reskiné pour la Switch. OK, OK. C'était-tu disponible sur Switch seulement ou sur toutes? Switch, j'avais dit. Switch, j'avais dit. Alors, c'est ça. C'est Chicken Wiggle reskiné sur Switch. C'est le même gameplay, ouais. Mais c'est le même gameplay. Ça a l'air d'être exactement le même jeu. Fait que tu peux mettre du gameplay, GF. Oui. Et puis, par contre... Oups, ça affiche. Autant que sur la Atui Collection, le jeu a de l'air... Il est très pixel, là, avec bien du détail et tout. Puis c'est vraiment très beau. Ici, visuellement, je trouve qu'on est vraiment plus proche d'un jeu de cellulaire, là. Effectivement. Ça a vraiment l'air de ça. C'est très minimaliste et gros là aussi. Ah ouais, vraiment. Puis moi, je savais pas c'était quoi. Là. Ils m'ont dit « Hey, veux-tu un code pour ça? » Je suis comme « Ah, whatever, on va checker ça. » Puis là, je suis comme « Voyons, Chris, ce gameplay-là, ça me dit quelque chose. » Le game, ben, d'un, le gameplay, le vrai pur gameplay de ce jeu-là, c'est un jeu de voyons, de grappin. D'un hook? De, ouais, de hook shot. Donc, t'es un oiseau qui a un hook shot et puis tu hooks sur les murs avec ça, partout, en bas, dans tous les sens. Et puis, tu peux sauter aussi et donner des coups de bec. Mais c'est que le jeu te demande, si tu veux bien le faire, de ramasser toutes les gems dedans, toutes les petites gems et trois gros fire sprites, ce qu'on voit là présentement. Il y en a trois par niveau. Okay. Et aussi, dans chaque niveau, il y a une carte qui te permet d'avoir un sub-niveau caché. Okay. Que tu complètes comme un niveau normal aussi. Et tout ça, mon ami, y a, c'est exactement Mutant Mods. Ça, Mutant Mods, c'est ça. Ça look Mutant Mods light, genre un peu. Là. Totalement. Puis dans Mutant Mods, c'est ça que tu fais. Tu finis le stage. Tu vas du point A au point B. Mm-hmm. Par contre, si tu peux ramasser tous les diamants si ça te tente. Fait que là, t'as envie de le faire, tu sais. Puis ça donne rien de plus. Là. T'achètes rien, tu fais rien. Là. C'est rien que juste pour le faire. Fin, ouais. Là, t'sais. Puis il y a des petits passages secrets puis tout. Puis ce jeu-là, c'est exactement la même affaire. Sauf qu'au lieu d'avoir un gameplay comme Mutant Mods, de tirer du gun puis d'avoir un jetpack qui te permet un double jump, et puis que tu crinques avec le temps, ben là, t'as un hook shot comme ça qui te permet d'aller vite et un peu partout. Puis, mais sinon, c'est la même gimmick, là, si ouais, je peux cool, dire. Ouais. Fait qu'il y a plein de monde. Dans chacun de ces mondes-là, il y a genre 8 niveaux. Et puis dans chacun de ces 8 niveaux-là, il y a 8 sub-niveaux à trouver. Et puis il y a d'autres niveaux aussi qui sont des niveaux bonus que c'est exact. C'est Mutant Mods. Un pour un. Il y a des niveaux de Mutant Mods là-dedans. Tu sais, que tu es le bonhomme avec le gun puis le jetpack. Ben, on va probablement le voir dans le gameplay en plus parce que ça m'a fourré quand je faisais les visuels parce que je scroll parce que je suis comme. Hé, moi, si, il y a une critique de Mutant Mods en plein milieu de ce jeu-là. Puis là, j'ai vu que c'est comme. C'est intégré là-dedans. Là. Exact. Ça a l'air cool. Exact. C'est vrai, je me rappelle quand j'ai checké le gameplay. Probablement, là, le petit bonhomme, il va finir le niveau. Là, il va débarrer le petit oiseau. Ouais, ouais. Petit oiseau. Des pays de l'Est. Là, il est content, petit oiseau. On va regarder ça. Fait que Jules, il est cool, man. Il a mis du Mutant Mods. Ben oui, c'est hot, ça. Mais, un bel hommage. Ah non, je pense qu'on le verra pas. Là. Ça va être un petit peu plus loin. Je peux l'avancer. Ah ben ouais, tu peux l'avancer un peu. Mais ben c'est pas un pour un exactement le même graphisme que Mutant Mode, mais c'est le même bonhomme, c'est les mêmes ennemis, c'est les mêmes sons aussi. Et puis, même que je pense qu'il y a des... Dans Hatch Tales, il y a des mêmes sons que dans Mutant Mode aussi. Fait que c'est un jeu, ça, qui peut avoir de l'air très, très léger, tu sais, puis cheap. Mais c'est... Ah, recule. Il il est là. Tu vois, les paysages puis tout, c'est Mutant Mode, ça. Hey. Un peu, là. Ouais, ça commence. Fait que double jump, tirer du gun. Mais c'est pas le bonhomme de Mutant Mode, oh, d'ailleurs? Oui, ouais, c'est le look, là, le sauf plancher. Sauf qu'il a gardé les genres de diamants puis les trois grosses patentes en feu, là. Exact. Tu fais la même affaire. Tu joues à Mutant Mode, sauf que t'as pas un hookshot là-dedans. Tu tires du gun puis sur les bébites qui sont des boules de vase. Ben oui. La mode, puis toi t'as un gun à eau, puis that's it, puis t'as un jetpack. Fait que voilà. C'est là que j'arrête le gameplay. Et puis, c'est ça, comme je disais, ça peut avoir de l'air bien cheap tout ça, là, mais ben, le look est un peu cheap en effet. Mais au niveau du gameplay, c'est addictif, tu sais, puis tu veux réussir. Mais t'as-tu besoin de plus au niveau du look, anyway, par rapport au gameplay, tu sais? Non, c'est ça. Simple. C'est un jeu de gameplay, tu sais. Ouais. C'est hookant. C'est accrochant comme gameplay. Oh. T'as envie, tu sais, de... Mais là, tu joues à un moment donné, t'es comme, ouf, là, ça commence à être dur, tu sais, besoin d'un break. Là, moi, je pense qu'il y a 8 mondes, en effet, là, je suis rendu au 5e, puis là, je suis comme, wow, OK, ça y va, là. À Mutant Mods, à un moment donné, tu sais, c'est hardcore en tabarnak. Ouais, tu sais. Ouais. Puis là-dedans aussi, il y a du hardcore-ness, là, qui se fait. Mais c'est jamais unfair. c'est juste toi que tu dois le refaire. Puis à un moment donné, tu es comme, ah ben Chris, oui, je vais y aller tout de suite. Je vais, ce trou-là, je vais me laisser tomber au lieu de sauter. Puis là, ouais, je vais arriver à la bonne. Tu sais, tu l'apprends un peu. Puis Chris, ce gars-là, il conçoit des jeux parfaitement comme ça. Où est-ce que les gameplays sont bons? Puis tu meurs, mais c'est jamais de ta faute. Tout est prévu, tout est bien planifié. T'sais. Non, alors, tu meurs, mais c'est de ta faute, tu veux dire. Non, mais c'est ça, tu meurs à cause de toi. Oh, ouais, ouais. C'est ça, je veux dire. Puis tout est bien planifié. Le... Je veux dire, c'est super bien fait. C'est simple, c'est un gars tout seul, mais c'est bien fait. Comment il marche le hookshot? Tu tues les quatre pitons puis les quatre directions? Ou c'est... Non, tu pèses dans la direction. Parce que tantôt, dans le décor, il y avait des c'est écrit B, A, Y des fois. Ben B c'est pour sauter, Y. Ben là je parle d'une manette Switch là. C'était le début avec ben c'est juste sur Switch de toute façon. Ah ok, qui montrait quoi faire. Ouais, il y avait les c'est le tutoriel. C'est le tutoriel à gagner. En effet, en effet. Mais non, c'est très okay. Simple. T'as des petits skills aussi, des fois par niveau qui te donnent comme un coup de bec de drill, pouvoir tuer les fantômes, tu sais, mais ça c'est des affaires précises qui s'adressent précisément à des niveaux précis. Ah, okay. Mais ils te rajoutent ces petites affaires-là. Des niveaux en dessous de l'eau aussi. Que tu nages, donc ça rajoute un petit quelque chose. Fait que, écoute, j'ai bien apprécié. Je serais prêt à donner déjà une note à ce jeu-là et je vais lui donner un 3 pommes et demi. C'est pas le jeu de l'année, là. C'est simplet, mais efficace. Fait que, s'il y avait rajouté plus de profondeur ou quelque chose, je sais pas, il y aurait peut-être une demi-pomme qui se serait ajoutée, là. Mais c'est ça. C'est un petit jeu, mais bien ficelé, tu sais. Ah, 3.5, c'est pas de mauvaise note aussi, là. C'est très, très bon. Dans les bonnes notes, quand même, là. Mm. Bon, ben, coudonc. Mais sans dire aux questions d'avant, on a tout fait le tour des sujets, je pense. Ben oui, on a tout fait, là. Je suis en train de checker le show. Bon, ben écoute, je vais pouvoir réécrire aux gens chez Embracer. C'est fait. Chez Freemode pour dire c'est fait. Gardez tout le temps un peu gênant d'envoyer un lien vers l'épisode, dire que je donne un 2 sur 5. Il t'écoute pas. Je sais bien qu'il écoute pas. Il m'envoie des messages génériques en plus. Là. Ah, c'est du AI qui te répond. Là. Ça se peut bien. Hey, moi, j'utilise tellement le AI pour répondre au monde. Là. Mais ouais, c'est eux qui nous ont envoyé les top lines. Continue de m'envoyer des trucs. On va les critiquer. Ouais, ouais. Ben, c'est Tatsujin, c'est ça, aussi, okay, c'est ça, hein, ouais. C'est, on dirait que Tatsujin est une compagnie parapluie qui a ramené plein d'affaires sous lui, donc... Ah, ça se peut, ouais. Ben, en fait, Snow Bros, c'est pas un schmop, mais c'est développé par Toplan. Ah, ben ouais. Toplan a fait c'est à vrai. 98% des schmops, sauf Snow Brothers, puis genre peut-être un ou deux autres jeux, là. Fait que ça, c'est quand même une irrégularité. J'espère qu'ils vont le sortir en physique sur Switch, la collection de Toplan. Ça, je l'achèterais. Ouais, définitivement. Je l'ai tout sur mon ordi, mais je la voudrais en physique pareil parce que je mop. Ah, absolument. Ouais, on va aller sur Facebook. JC ben ouais. Goyette, salut les gars. Vous avez les mâles alpha. Vous avez déjà mentionné vos vilains de jeux vidéo favoris dans le passé. J'aimerais savoir quelles sont vos armées favorites. J'entends par armée les groupes d'ennemis et boss que l'antagoniste principal envoie. Hey, c'est tough ça. Que l'antagoniste envoie pour arrêter votre quête. Sur ce, bonne continuation. Hmm. Ben, écoute, chaque armée du Dr. Willy. J'avoue que... ces méchants robots-là. Je sais pas laquelle dans toutes les Mega Man. Tu sais, à un moment donné, au début, c'était facile, là. Le bonhomme de feu, le bonhomme de glace, le bonhomme de bois. Et là, à la fin, c'est comme le ninja, le calice, le gars en squelette. Ouais. Ils savent plus, là, tu sais. Ça, c'est drôle. Mais ouais, fait que ça, c'est une belle armée à affronter. Sinon, t'as pas un FPS dans Vanquish, là, je sais pas quoi. Non, les bonhommes mauves dans Turtles in Time. Là, le Foot Clan. Le Foot Clan, hein. C'est un très bon, très belle armée à combattre, ça. Sur le fond, t'es lance dans l'écran. Puis... Le Mad Gear Gang de Final Fight. Wow. Ah ouais, c'est bon, ça. On y va avec ça, c'ti. Le 3. 1, 2, 3. Charles Porter... Charles Porter. Bonsoir, messieurs. En vieillissant, je suis de moins en moins patient lorsque je joue et que je suis confronté à un passage plus relevé. Quels sont vos trucs pour rester positif et triompher? Tu peux poser ta question dans le chat, Fingercut. On a du temps. On a du temps. C'est tough, ça, comme question. Moi, je m'entête. Mais faut que le jeu soit assez bien fait, puis que je meure pas à cause du jeu, mais que le, ce soit de ma faute, puis c'est mes skills qui sont défaillants, là. Exact. Genre, Cuphead, je me sens entêté à le finir, un moment donné, là. Ah oui, parce que c'est bien parce fait. Parce que c'est bien fait, puis c'est de ma faute. Puis t'apprends en le faisant. Ouais, t'acquiers des skills, t'acquiers des compétences à ce jeu-là. Exact. C'est pas mal, ça. Là. C'est trop dur parce que c'est trop dur pour rien. Passe à autre chose. Ben, comme Snow Bros. Fais-toi pas souffrance, là, comme ça. Tu sais, si le platforming, si la façon que c'est fait, c'est unfair pour moi, tu sais, ou que c'est pas assez intuitif, tu sais, ou que j'arrive pas à voir en sautant où est ma plateforme vraiment, alors que je serais vraiment supposé être dessus, mais que la plateforme, finalement, est pas collée sur la montagne. Il y a un gap, fait que je tombe entre les deux, mais je vois pas le gap parce que c'est mal fait visuellement. Ça me fait chier. Puis si j'ai à me buter à ça régulièrement dans le jeu, je pense pas, tu sais, je vais avoir de la misère à garder l'énergie, là, tu sais, de me battre contre l'injustice. Faut que ce soit pas trop punitif, moi aussi, genre que t'as 3 vies pis tu recommences tout le jour complet à chaque fois. Je suis comme, hey, là, m'amener, là, genre, j'ai pas ce temps-là, là. Ben, il y en aurait, tu sais. À ce temps que la pocket, on peut sauver avec les save games, là, mais. Ouais. Que mais je fais jamais, mais il faudrait, ouais. Pour les jeux rétro, effectivement, tu sais, il y a bien des jeux qui auraient été sauvés s'il y avait toujours eu des continues. Même au Super NES, même. Il y a plein de jeux que j'oserais grinder pour terminer s'il y avait toujours des continues. Ah, moi aussi. Mais mettons, on est jeune, j'ai ça à Noël, il n'y a pas toujours des continues, mais c'est mon jeu, je vais l'apprendre, puis je vais le faire, puis je vais y réussir. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je teste un jeu, puis il n'y a pas toujours des continues, ou s'il n'y a pas de password, puis que le jeu est un peu moyen, je vais le finir s'il y a toujours des continues. S'il n'y a pas toujours des continues, je ne me donnerai jamais la peine de l'apprendre pour le finir. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a bien d'autres jeux à faire. Ben oui, c'est ça, là, maintenant. Là. Fait que faut que le jeu soit bon. Faut que le gameplay vaille la peine de s'entêter sur un jeu qui est difficile. Là. Exactement. Félix Baudouin Duval. Baudouin! Ton avis sur la série de jeux Ori. Solide Metroidvania, à mon avis, la musique est incroyable. Tu as déjà joué, toi? Non, j'ai vu Matt Bonin jouer devant moi m'amener chez eux. Là. Il m'a montré ça. C'est magnifique, mais j'ai pas joué à ce jeu-là, non, malheureusement. J'ai entendu que du bien, par contre. C'est un excellent... C'est un solide full set. Ça, je pense que j'ai vu la full prochaine set, ouais. Question. C'est un solide Metroidvania, en effet. Il y a 2 jeux de Ori. Les 2 sont excellents. Ils sont très semblables, d'ailleurs. Là. Et puis... Non, c'est super bon, c'est du bon. Il faut que je le joue sur PC sur mon écran super ultra wide, là, c'est compatible, magnifique. Là. Ça, c'est tellement un bel écran que t'as là. Ah, c'est ça me sauve la vie à tous les jours. Là. Ah ouais. Je le split, là, en tout cas. Il est comme des filles tout nues à gauche, esti. Non, mais j'ai Power Toys, là, genre, fait que tu peux comme splitter ton écran, puis tu peux aller docker dans certaines sections. Fait que je peux mettre genre full screen, des fenêtres en plein milieu, séparées en 2, un plein, 2. Genre, fait que là, j'ai comme plein de desktop, là. C'est super cool. Puis là, t'as quoi dans tout ça? Est-ce que t'as. Mettons, juste des genre Google, juste du travail. Puis du travail, puis. Ben non, mais si je mets mon ordi, j'ai d'autres choses. Des filles tout nues! Une game de Fantasy 95, genre les stats de ton podcast, les pierres à feu qui roulent. Twitch. Ah ouais, c'est magnifique. Moi qui code la playdate tout croche. Oh boy. Hey, je vais me prendre une 3e bière. Vas-y. Tu peux y aller avec la question. Je vais lire, puis je vais mettre le chat, puis je vais lire la question de Fingercut QC qui dit « Aviez-vous à l'époque cru que vous finissiez un jeu, mais qu'aujourd'hui vous saviez que c'était pas la fin, la vraie fin? J'ai 2-3 jeux en tête que j'ai découvert dernièrement. » Fait que des jeux, j'imagine, qui ont multiples fins. Dans ma jeunesse, ça me... pas grand-chose qui me flash là-dessus. Là. Je pense que DuckTales, t'as 3 façons de finir, mais tu le vois, tu le sais pas vraiment. Là, quand c'est vrai. Tu le sais pas parce qu'il faut que tu ramasses assez d'argent. Ouais, ouais. Fait que t'as low, medium puis high comme fin. J'ai jamais vu la différence là-dedans, mais... Ah, sur NES qui parle, là. Ouais, sur NES. DuckTales. Ah, sur NES. DuckTales est sur NES. Parce que moi, j'allais dire Castlevania Symphony of the Night, mais je savais qu'il fallait tuer Shaft là, direct. Shaft. Qu'il fallait trouver le truc pour voir la boule de cristal pour accéder au château inversé, tu sais. Fait que DuckTales est un très bon exemple. Ouais. Mais attends, mais tu il est pas évident. T'es devant l'écran d'ordi avec Picsou, là, qui genre était les stats. Là. Exact. Mais je sais pas s'il y a une fin, il s'y montre de quoi à la fin différent. Là, Ben, il me semble qu'il n'y a pas comme un journal. Là, il y a un journal Picsou, il a fait ça. Puis, en tout cas, moi j'avais réussi Medium, sans m'en rendre compte. Là, j'avais eu la Medium fin. Les Double Dragon 2. Ah, ben oui. Ah, ben dans, le okay, dans ce sens-là. Si on dit qu'il faut finir le jeu à hard pour avoir une vraie fin, il y en a pas mal plus, en effet. Là. Parce que à Double Dragon 2, je me rappelle pas c'est quoi. Il y a, mettons, normal, warrior, puis supreme master. Je me rappelle plus. Là. Puis il faut que tu finisses à supreme master pour avoir la vraie fin. OK. Puis là, si on va dans le Super NES, là, il y en a plein. Là. C'est surtout Konami qui faisait ça. Puis ça me faisait chier. Le Sti Contra 3. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'exemples là, au Super NES, là, tous les jeux de Konami, Axelé, tu sais, des affaires-là qui sont faisables, tu sais, mais il faut que tu les fasses hard pour avoir une vraie fin. Ça, c'est chiant, faites pas ça. Puis, Finger Cut, il dit à Double Dragon 2, t'affrontes ton frère à la fin. À hard, ouais. Mais t'affrontes ton frère à Double Dragon 1 aussi, là. Oui. Tout le temps affronter ton frère. Toujours. Ça, c'est pas fin. Bataille fraternelle forever. C'est ça, avoir un frère. Mais NES qu'il faut finir en hard pour avoir la vraie fin. J'ai pas beaucoup d'exemples, honnêtement. Je m'en souviens pas parce qu'au NES, avoir les medium hard niveau de difficulté, il y en avait moins parce qu'ils codaient pas ça dans le jeu. C'est là, déjà dur à la base. Là. Exact. Tu t'organisais avec ça. Ben oui. Félix, on l'a fait. Félix. Alex Morancy. Après le full set Super Nintendo, quelle sera la prochaine quête dans l'univers de la collection des jeux vidéo? Ben, c'est ça, là. Maintenant que c'est fait, je n'ai plus de quête. Grand vide existentiel, là. Papa Cassette accroche son portefeuille. C'est fini la collection, là, maintenant? Là? Ben, non, mais là, j'ai ou tout... Ou tu y vas avec des petits goûts personnels après ça, puis... Ben, mettons... ici, étant dans la business de la vente de jeux vidéo depuis 5 ans officiellement et que ça, en fait, c'est sûr que s'il me passe entre les mains une belle, mettons, une belle boîte, tu sais, je vais vouloir l'acquérir. Mais j'ai plus besoin de chasser de cassettes, en fait. J'ai juste des upgrades à faire. Et puis ça, je les note. Puis ça vient... Fait que là, tu vois ça qui rendrait... ça, oui. Ça, non. Ça... Ben, je fais déjà ça énormément. Là, tu sais, mais c'est bien rare qu'on soit genre une barge de jeux de Super NES. Bon, upgrade. Mais je l'ai fait pour les Nintendo Power dernièrement. D'ailleurs, on a une grosse batch de Nintendo Power. Je les ai toutes amenées chez nous. Puis un par un, ceux-là qui étaient en bas de 80, je les ai comparés avec les miens. OK, des pages collées. Puis s'il y a une petite affaire, tu sais, comme je le prends, tu sais. Je fais tout le temps ça. J'adore ça. Fait que en étant propriétaire de boutique, en ayant plein de jeux qui passent ici, j'ai quand même la chance de pouvoir upgrader mes items. Et puis, avec le temps, puis je suis déjà crissement avancé, et je vais avoir une collection hyper propre. Là, genre, c'est propre. Là. Ah, digne d'un musée. Mon Game Boy est mint. Là. Ouais. Si je vendais mes affaires, tu sais, quand on achète les collections des gens, il y a tout le temps du nettoyage d'affaires. Ouais, ouais. Si t'achetais ma collection, t'aurais rien à faire, là, tu sais. T'aurais plus pour pas de nettoyage. Exact. Pour vrai. Pour finir sa question précédente, Fingercut qui dit qu'à Turtles, tu t'affrontes Super Shredder. T'affrontes pas Super Shredder, c'est pas... Ah, ouais. Ah, Blastman dans le chat qui me demande... As-tu commandé Casey's Gold sur Atari ou tu attends le retour de Post Canada? Très bonne question. J'ai présenté ici, il n'y a pas si longtemps que ça, une fois que j'ai oublié le nom, Alien Abduction, un jeu Atari homebrew qui était fait par le gars qui a fait Hero. C'est des jeux physiques d'Atari publiés par Audacity Game, qui sont Dan Ketchen et puis David Crane. David Crane qui a fait Pitfall, Absolute Game, des légendes de l'Atari qui publie des jeux. Casey's Gold serait le troisième jeu. Et puis, les pre-orders ont finalement ouvert la semaine passée. Et j'ai effectivement pre-order Blastman. Et puis, j'ai reçu un beau message vendredi alors que je buvais de la bière avec les amis pour dire « Ouais, il y a une grève de la poste dans votre coin, fait que ça se peut que vous ayez ça par un autre fournisseur, mais inquiétez-vous pas, blablabla. » Fait que je me suis laissé aller et puis j'ai commandé ça. Ça revient à 100$ pour un jeu Atari. Mais c'est les seuls homebrew Audacity que je vais faire parce qu'ils sont excellents. Ouais, et puis les homebrew, man, quand tu te mets à virer fou puis à tous les acheter, là, ça devient un gouffre financier aussi. Ah, c'est clair. Vraiment. Mais c'est ça. Rien que pour finir avec la question de full set, il n'y a plus d'autres full set que je vais faire. Full set Switch, c'est pas possible. Tout ça. J'achète les jeux Switch que je veux jouer. Ça demeure. Puis pour le reste, j'upgrade ce que j'ai. Puis je vais peut-être même continuer à vendre des choses. Je considère sérieusement vendre toute ma Wii. OK. Je touche jamais à ça, man. C'est vrai que je touche jamais non plus à Wii, là. Jamais, jamais. Je garderai la console puis Wii Sport pour les kids, là. Puis les 2-3 jeux qui ont joué quand ils étaient petits parce qu'ils sont nostalgiques. Mario Kart avec le volant, là. C'est pas la place. J'aime même pas ça, moi. Ils ont même pas joué à ça. Mais Wii Sport, ils ont joué à ça. Puis genre NHL, Gretzky, machin, là. Mais parce que mon plus vieux va être bien triste si je vends ça. Même à 3DS, j'ai envie de vendre tout ça. Jamais je touche, là, tu sais. La 3DS, je la garde parce que tu peux pas jouer vraiment à ça ailleurs que ça à 3DS, présentement. C'est pas que j'ai une flashcard dedans avec les jeux, j'ai tous les jeux dedans. J'ai ma 3DS, la dernière, le Nintendo, là, un petit peu embossé, là, avec noir, là. OK. Avec les logos, là, dessus de fleurs de Mario puis de Chantal. Ah, belle. Je la garde juste parce que si jamais je veux jouer au 3DS, qui arrive jamais, là, mais... Moi non plus, ben c'est ça, avec le temps, je vais en recharger puis je jouerai, puis je joue pas. Moi aussi. Moi, j'ai la version Super NES, là, les 3DS valent cher, là. La tienne aussi, elle doit valoir super cher. J'ai encore la boîte puis tout, là, T'as la boîte? Ouais, je vais garder ça, là. Ça doit valoir, genre, 700$. Je pense que je l'ai jeté à la boîte, tabarnak. Ah, Chris, man. Les 3DS, ils prennent des tonnes de valeur. Ah ouais? Oh, ouais, vraiment. Avec les boîtes, là, c'est insane. Fait que des fois, j'ai envie de vendre tout ça. On va voir. On va voir avec le temps. Mais mes full sets, je les garde, puis je les optimise, puis je les aime, je les veux beaux. Je les veux mint. Mais il y a peut-être des affaires demain. Puis, you know what? Moi, je crois que Analog vont faire une machine à disque à un moment donné qui va regrouper plusieurs PlayStation ensemble. Ça serait fou, ça, pour vrai. C'est pour ça que je garde encore mes jeux de PlayStation, même si je joue jamais. Ouais, ouais. Mais je me dis, Analog, ils vont peut-être se lancer là-dedans un jour. celle de la Sony 4 ne me tente beaucoup, là. Ah, mais je me retiens à toi tous les jours, je pense, d'en acheter une, là. Quelle belle chose. À un moment donné, je vais être assis en boisson dans le REM puis m'en l'acheter, là. Parti Noël, que c'est vendredi, c'est peu que ça me coûte 700$ en revenant. Là. Ça serait un bon investissement. Ah, quand même, moi. Ben, pas 700 quand même. Non, mais je vais sûrement acheter d'autres choses avec ça. Le shipping. Ben, ouais. Ça serait cave et je vais le faire probablement le faire. Netari plus, 7800 plus, quelque chose. Ouais, hein, ben, je l'ai toujours pas acheté d'ailleurs. Non plus, puis je suis comme. J'avais mon panier, je l'enlève. Je l'avais, je l'enlève. Moi, tu veux vraiment jouer à ça? Non. Je l'avais vu-tu? Oui, mais pourquoi? Je sais pas. Ah, oh man, moi, je sais pas. Je l'achèterais rien que pour la mettre sur la tablette à côté de l'autre, là. Mais, en tout cas. J'aimerais bien ça. Hein. Bruno Fizette. Oui. Désolé, je dis Fizette comme en Beauce, parce que je suis Beauceron. Comment a commencé votre tradition annuelle des WEG? Je trouve ça génial que vous ayez une gang comme ça qui arrive, les voitures pleines de consoles, de jeux, de toutes sortes et d'aliments. Haute gastronomie. Oui. Ne perdez pas ça. On veut pas perdre ça, en effet. Haute gastro. On est bien chanceux d'avoir une gang. Il y a du monde que je vois rien qu'au WEG. Ouais, moi aussi, là. Carrément. Plus le temps passe, il y a du monde qu'avant, je voyais très régulièrement. Ah, moi aussi, moi aussi. Puis qu'à cette heure, je vois qu'au WEG. Même Bruno, je le vois juste au WEG à cette heure. Moi aussi. Carrément. Puis Max, notre ami Dej musicien Dej de Sudden Wave. Ben, je voyais ce gars-là tout le temps. Là, puis à cette heure, tout le monde fait ses affaires. Tout le monde est super busy. Tout le monde a besoin d'un break, de plein d'affaires. Mais on se voit au WEG. Puis c'est comme si de rien n'était. Il n'y a pas de... Croiser Bruno dans le parking. Hey, Bruno, c'était ça. Exactement. Fait que, mais ouais, il y a un petit corps là, qui est le temps là aussi. Là. Mais ouais, c'est comment ça a commencé? C'est Bruno, là, il y a 12, 13, 15 ans, je sais pas trop. Là, qui... C'était pas un... Ça s'appelait même pas un WEG, j'étais pas là. C'était vous autres dans un condo, je pense, une soirée. Ben, Bruno habitait en condo et puis il venait juste d'avoir son premier enfant. Ou son deuxième, je me rappelle plus. Mais ben, pour ceux qui écoutent Rétro Nouveau, en fait. On a parlé souvent là-dessus. On a parlé au début, Bruno habitait dans un condo puis on enregistrait dans son condo. Fait que, tu sais, on en a parlé. Puis, quand j'ai fait de la critique de Journey to Silius, je me rappelle précisément, Joël Martel avait commenté aussi. Fait que bref, on était dans le condo à Bruno, puis Bruno, à un moment donné, il a fait un party de chummy. La Wii venait de sortir, puis Bruno en avait une. Fait qu'il voulait faire une soirée Wii, puis tant qu'à y être, on voulait mettre des consoles ici et là. Fait que ça a commencé. La première édition était chez Bruno, dans son condo, à Pointe-aux-Trembles, avec une dizaine de dudes, là. Ouais. Puis c'était un beau moment. Puis, je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres. Puis, tout de suite après, à peu près la même dizaine de dudes, ça a été à Tremblant dans un petit chalet. Et puis, Nick Lachapelle était là. De ceux qu'on connaît et que vous connaissez, Nick Lachapelle était là. Et puis, that's it. Il n'y en a pas d'autres tant que ça. Ben, il y en a d'autres que toi, tu connais Mathieu. Seb Brutal était là. Mais, puis on a fait ça. Seb Brutal était là dans les premiers, c'est vrai. Exact. Ben, c'est un ami proche à Bruno, mais c'est pas un gamer. Il était là parce que c'est un ami à Bruno, ouais. On avait fait des belles games de Baseball Stars, d'ailleurs. Puis après ça, ça a évolué. On a trouvé une autre place à Tremblant, Kanata. Puis là, à Kanata, ça a juste continué de grossir. Mais ça. Puis là, ben. Ouais, Kanata, on était au début, genre, quoi, 12, 15. Dans un petit chalet, puis ça a fini par le gros Christy Chalet. C'est un relou, le module au grand compte. Fuck, dad, on loue tout. Donne-nous tout ce que t'as. Puis là, à cette heure, on a laissé tomber ça pour louer le château d'Alima. Ouais, le château c'est parfait, ce château-là. Gros crisse de l'affaire corpo. Est-ce qu'on n'est pas poigné là-dedans, c'est le fun. Là. Ah ouais, il y a de l'espace. Mais ça a commencé de même. Ouais. Et puis, tu sais, en même temps que le début de ces affaires-là, tu sais, les soirées Funzo. Ben, au début... Les soirées Funzo, l'émergence du podcasting, genre notre gang, on était beaucoup là-dedans aussi. Oui, là, parce qu'au début, Le WEG a grossi avec les autres podcasters. C'est vrai. Tu sais, les Mystérieux Étonnants. Ouais, Je joue le jeu. Guillaume Couture. Guillaume est venu. Ouais, il était une étoile filante à un moment donné. Ouais, c'est ça. Il avait bu beaucoup de cidre de pomme. Il était avec une bouteille. Il avait bu genre en première heure, je pense. Comme ça, il dormait sur un divan. Ah ouais, c'était très trash. Les gars de Fun Jouer Jeu, là, il y avait Damien qui était encore là, mais t'avais Damien Seb qui était là. Dan Vaillancourt. Oui, absolument. Joël n'était pas venu. Tu sais, nous autres, on commençait à connaître les gars de la commission des geekers. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, Elf, Steve, qui a un autre nom. Ouais. Ça, c'est ouais. Monsieur. Tu sais, c'est qui? Ouais. OK. T'as pas de l'air. Non, ben, je pense que je sais. Là, je pense dans ma tête aux membres de ce groupe-là. Puis... C'est un gars qui a pas de cheveux, là. Oh, OK. C'est ça que je pensais. Il y avait Israël Flageol qui était dans ce podcast-là aussi. Ouais, il est venu. Il est venu une fois ou deux. Fait que bref, tu sais, comme notre podcast connecté avec d'autres podcasts, fait qu'on cherchait, pas qu'on cherchait des amis, mais on se disait, tu sais, on va inviter intérêt commun, tu sais, puis on va triper avec ce monde-là. Puis là, un moment donné, on s'est mis à inviter les gens proches du podcast. Ben, je me suis mis à faire des soirées à l'extérieur du Funzo, des soirées... À ton 1,5, là? À mon 1,5, sur Moreau. Puis là, ça générait du monde, puis le bar. On s'est comme créé une petite gang d'intérêt de gaming. Fred, Martin, Max, Dej, Tom, ils se sont rendus compte que Papa Cassette existe, ils aiment les jeux. Et, OK, c'est ça. Fait que tout ça a fait un noise, tout ça a créé une communauté, puis on a fini par inviter la communauté au grand complet. Ben oui. Puis qui sont devenus tous nos amis. On a ramassé Matt Bonin par LSDP à l'arcade à un moment donné. Genre. Absolument. Oh, oui, puis il y a des sides, là, chummy, de ci, de RZO aussi a comme fait un genre de mini-click. Oui, oui. Ben, une clique, ouais, on était une clique, n'est-ce pas? Non, on était pas une clique, on était bien des amis, là. Ouais. Dej, petit Dej. Maxime Desjardins. Dej, ouais. Du groupe Sudden Wave. SJ pour Maxime Desjardins, en effet. Allez, si vous aimez le hardcore, je sais pas comment nommer le style de musique qu'ils font, ils reviennent d'une tournée avec Dog Eat Dog, d'ailleurs. Vieux band, ça, quand même. Dog Eat Dog, wow. Tournée européenne. Et puis, Dej, qui est aussi un courtier immobilier, qui m'a aidé à vendre et acheter ma maison et à trouver le Plex, qui a fait ça pour notre ami Michael aussi, Michael Baroque Larouche, qui a aidé à se trouver un condo. Nice, et puis, il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide dans tout ça. Fait que ça a commencé de même. C'est drôle parce que tu penses qu'avec le temps, la formule va s'essouffler monnaie. Puis au début, on était genre du vendredi au dimanche. Une fois par année, puis on est rendu deux fois par année du jeudi au dimanche. Attends, de quoi tu parles? Ben, le WEG. Au début, on faisait une fois par année, genre à l'automne, me semble. On n'avait pas une fois par année. Puis on le fait comme c'est pas assez, là. Vendredi, samedi. Tout le monde se gratte, puis tout le monde. Tu sais, le dimanche, ça sert à rien. On se réveille. On le vendredi, puis on déplogue les affaires, puis on ramasse. C'est comme on se scrappait le vendredi, puis on était mort le samedi, puis on se rescrappait, là. Puis on revenait scrap à la maison. Non, pas le podcast. Le podcast, tu me niaises. Non. Ça, c'est un nouveau podcast émergent. Fait que maintenant, c'est printemps et automne. Deux par année, une journée de plus. Oh, ouais, fuck off, là. Ça fait toute la différence. Ah, c'était un plaisant. Ah, ça permet de décrocher plus que de se garrocher sur un... C'est moins un gros party, puis c'est plus un marathon de gaming, là. Exact. Et moi, je me rends compte que mes comment, avant, t'arrivais. C'est tout le temps la même affaire, la première journée qu'on arrive, que ce soit jeudi ou vendredi, on vire fou. On se pète la face. Puis là, le lendemain, on a encore du fuel. Encore capable de l'énergie pour se repéter à la face. Puis là, le lendemain, on s'en allait. Mais là, à cette heure, moi, on dirait que le samedi soir, j'arrive pas. Là, je suis comme, on mange. Là, j'ai faim, je mange trop de spaghettis. Là, je suis loadé. J'ai soif, je bois des tonnes d'eau. Puis je suis pas capable de boire la bière. Je suis plus capable. Fait que, en tout cas, c'est un entraînement. C'est pas facile. Je suis pas prêt pour le week tout le temps. Là. Je ramène temps, mais la moitié de ma caisse de Heineken que je fais boire au gars la soirée du podcast après gratis. Ah ouais, ben c'est jamais perdu. Ben non. Bon, OK. Benoît Landry. Benoît. C'est pas toi. Deux bières et demie dans le papa cassant. C'est moi qui chauffe, correct. Avez-vous un jeu que vous avez joué trop jeune, c'est-à-dire avec... C'est-à-dire un jeu avec violence, gore, nudité, horreur, langage ordurier ou autre mature que vous avez joué jeune et qui vous a marqué. Mettons que vous ne laisseriez pas votre enfant jouer au même âge. Il n'y avait pas tant de jeux. Genre de ce GTA genre, au PS2 à 13 ans, c'est pas si pire, mais Chiller ou Monster Party au NES ou Conker 64, genre à 6 ans, c'est bien trop intense. Monster Party, c'est grotesque quand même, c'est un peu niaiseux. Bon, ça y est. C'est un jeu de NES là, grotesque, plein de monstres, plein de sang, pas rapport. Mais c'est un pas pire jeu quand même, publié par Bandai. Checkez ça, si on pourrait appeler ça un Hidden Gem. Ooh. C'est pas cher. Mais Chiller, ça, c'est un jeu de gun à l'arcade où est-ce qu'il y a du monde là, attaché, puis c'est de la torture, puis tu fais juste les détruire en leur tirant dedans. Ça, c'est crissement dégueulasse. Conker, moi, j'ai jamais joué, mais il y a du matériel d'adulte là-dedans. Oui, langage ordurier. Exact. Fait que, mais c'était pas en français. Fait que, ouais. Mais, un jeu, tu sais, comme un jeu dégueulasse. Phantasmagoria, j'étais peut-être jeune quand j'ai joué à ça, tu sais. T'as joué à ça. Ben oui, là, c'était dans le temps que je jouais à les jeux point and click PC. Là. Fait que je l'avais mené, Phantasmagoria. Vrai jeu vidéo dégueulasse, moi j'ai pas. Tu sais, aujourd'hui les jeunes, on voudrait pas leur faire jouer trop tôt à des à Fortnite, tu sais, puis aller comme les rendre hook à ces affaires-là tout de suite. Puis tu sais, c'est même pas quand on parle de ces jeux-là modernes pour aujourd'hui, mais c'est même pas pour la violence là, c'est pour l'aspect. C'est comme une drogue là, tu sais. Ouais, ben c'est le game loop, le genre est tellement fait addictif que tu exactement. Veux juste jamais lâcher. Là. Exactement, t'es jamais capable de le lâcher. Moi, la violence dans les jeux vidéo. Comme problème de société, j'y crois pas. Là. Zéro, non, moi non plus, je pense pas. Si t'as un problème d'envie de violence, c'est pas à cause des jeux vidéo, c'est parce qu'à la maison, si tes parents s'occupent pas de toi ou tu vis des frustrations. Ouais. Puis c'est purement un problème de parents, c'est pas un problème des jeux vidéo. Là. Les jeux vidéo, j'ai jamais pensé que c'était un problème des jeux vidéo non plus. Là. Moi non plus. Les problèmes de violence, si les enfants sont violents, c'est jamais à cause des jeux vidéo. C'est souvent l'éducation. Là. Ben oui. Totalement. Les jeux vidéo, c'est un exutoire. T'sais, ça libère tout ça. Mais le réel danger des jeux vidéo, c'est pas la violence qu'il y a dedans. C'est l'addiction. C'est l'addiction. Exactement. Il ne pas faire d'autre chose. C'est pour ça que je me retiens d'en donner plus à mon gars. Ben, je le vois, il est comme. Des fois, il veut pas, là, puis genre, il se fâche quand je dis d'arrêter ses affaires. Là. Je fais quoi avec ça? Là? On en parlera à un moment donné de ça. ça, c'est le challenge des parents de notre génération. Là. Puis ça me fait capoter. Puis à chaque fois que ma mère me parle de la télé, des affaires-là, je suis comme, oh, mais tu le sais pas. Tu nous as pas évidemment. Tu n'avais pas toutes ces options-là quand tu étais jeune. Tu n'avais pas les téléphones, les tablettes, les jeux vidéo. Il y avait une NES à un moment donné dans le sol. Tu allais jouer quand le tupé était fini, mettons, de la titre. Là. Puis c'est tout ce que tu avais comme de jeux vidéo. Là, c'est pas ça du tout, là. Ben il y a non. Des écrans partout. Puis t'as ton téléphone dans les mains, puis... Puis tu sais, là, tu dis, ben, t'as rien à pas acheter un téléphone à ton enfant. Ah ben, OK. Fait que rendu au secondaire 1, il va être le seul enfant qui aura pas de téléphone. Si t'abstiens ton enfant de faire quelque chose, ça va être pire, là. Ça va être mille fois pire quand ça va être le temps de l'avoir. Exactement. Fait que fais-en pas un rejet de la société. Non, mais contrôle-le. Contrôle-le, puis donne-y pas un iPhone 18 dès sa sortie à ton flot de 10 ans, là. Et donne-y le vieux Chris de téléphone. Qui marche tout croche. Et achète-y pas un forfait en partant, là. Au début, c'est comme... Moi, c'est ça que je fais avec mes kids. T'es grand, tu sais, on veut savoir où est-ce que t'es, tu peux nous texter, nous appeler n'importe quand avec ça. Puis sur le Wi-Fi, t'es correct. Tu peux pas aller dans le boss jouer à des jeux ou faire mille affaires. Puis correct. Mais à un moment donné, en tant que parent, t'as plus le choix de laisser aller. Là. Il y a des affaires que tu peux plus te battre contre. Parce que tu te bats, puis à un moment donné, t'es fatigué de te battre. Ouais, c'est comme, oh, Vas-y. Mais il faut pas que tu fasses ça trop tôt. Ouais. C'est ton bout quand même. Là. Mais pas un setup de gaming dans télé, PS5, dans la chambre de ton gars de 7 ans. Là, ouais, c'est ça, là. Ça, tu vas le perdre, là, solide, là. Hey. Puis il voudra plus jamais rien faire d'autre, là. Non, ça tu vas lui dire, on va aller faire un tour de vélo, il va t'envoyer chier, là, là, je suis en décision, qu'est-ce que j'introduis, là, moi, bientôt. Là. Mon gars va avoir 5 ans, à la fin décembre, je comprends qu'il a fini Frogger, là, son iCade, là, puis... Ça, c'est correct. Il joue beaucoup à Playdate, là, le petit bonhomme qu'il faut qu'il avance puis qu'il recule avec le temps. C'est des cools affaires, c'est très, très ça. Cool, mais genre, j'introduis-tu Mario Kart, là, genre, prochain, où je donne une NES Mini, puis genre... Je vois Mario, là, puis ah, ben, ça. Tout ça, je pense pas qu'il peut développer une très grande addiction. Ah non, non, je pense pas qu'il va être addict. Je me demande de vers quoi je l'enligne. Je l'enligne. Tu dirais que sur le Next Gen ou je m'en vais sur le rétro? Je suis comme. T'aimes le Playdate? T'aimes les jeux d'arcade? On va aller sur les vieux jeux. D'accord, allez, enligne-les là-dessus. Ça va me faire. Peut-être qu'il va être le futur gérant de mon. Le jour que j'ai dit, genre, la fois que tu me pointes la Switch, que j'arrête pas de te dire qu'il y a pas de batterie, là, ben dedans, il y a Mario Kart, puis que j'y monte ça, là, ça va être fini chez nous. Ça va être juste ça. Ça va être, c'est sûr que ça va être ça. Là. Je suis très nerveux de ça. Non, absolument. Mais c'est dur, genre, le passage du temps avec les enfants. Tu t'en rends pas compte, hein? T'es comme. Si tu es rendu là, genre, parce que tu vois pas le temps passer, là. Non, pis, tu sais, moi, j'en ai deux. Fait que le premier, on est tout le temps plus sur le gun pour tout. Ouais, c'est sûr. Puis le deuxième, c'est comme, OK, là, whatever. Et moi, j'étais un deuxième, tu sais. Fait que mes parents, ils ont été pas mal plus exigeants, pis rough, pis. Moins permissif avec ma sœur, puis avec moi, tu sais, moi, je faisais pas mal ce que je voulais. Ah, ouais, c'est ça avec mon frère aussi, là. Puis, tu sais, le pire, c'est que j'avais le droit de faire ce que je voulais pas mal, puis, ben, pas toutes, là. Ils m'ont cadré dans certaines affaires solidement. Mais, tu sais, c'est quand t'as une tête sur les épaules, puis ça, c'est tes parents qui te mettent du plomb dans la tête, quand t'es libre de faire tout ce que tu veux, tu fais pas des niaiseries, t'sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Mais tu vas en faire, là, mais tu feras pas juste ça, là. Non. C'est important d'en faire des niaiseries dans la vie. C'est important de pousser un peu l'élastique de ce que tu peux faire puis de voir c'est quoi les limites sans déborder d'un bord ou de l'autre. Là. Exact. Sans être trop dans ton coin ou trop un esti délinquant fou. Puis il y a les niaiseries, puis il y a aussi, je me suis rendu compte, mettons mon plus vieux, faut y donner du slack, tu sais. À un moment donné, faut que tu lâches. Ouais, puis ouais. Là, tu te rends compte. Faut que tu regardes ce qu'il va faire avec son slack. Il va le faire. Il va le faire de par lui-même. Quand on est tout le temps en train de dire « fais ça, Chris, tu vas-tu étudier ton affaire? » Là, il veut pas, puis là, il est en réaction. Faut pas faire ça, tu sais. Faut y donner, faut le laisser à lui, puis juste faire comprendre, là, c'est entre tes mains, tu vois. Si tu fais pas ça, il y aura des conséquences. À toi de voir. Puis, tu sais, comme là, ça y trotte dans la tête, puis Chris, il fait ses affaires. Puis, moi, je dis, c'est des ados, là. Je suis bien gros là-dedans, là, tu sais. J'ai commencé à faire ça avec mon gars aussi, là. Je suis comme, OK, tu veux pas, je te chicane? Parfait. Plus de chicane. Papa, te chicane pas. Tu fais ça, conséquence directe. Pense-y. Puis il fait de quoi? Je suis comme, pense-y, là. Puis genre, ça marche beaucoup mieux que de crier après un enfant. Oui, c'est ça. Crier. Mais c'est nous autres qui est le problème aussi. C'est dur comme parent de faire ça, de faire qu'on contienne. C'est facile de crier. Tu viens de passer une journée de 8 heures à te faire donner de la merde à la job et être en crise. Puis c'est comme, t'as un petit enfant qui t'oppose. C'est comme, OK. Ah. C'est genre, lui, pas lui, mérite pas ça, genre, mais exact. Puis on est fatigué, puis on s'en rend pas compte, puis ça tilte. Puis tu sais, je me souviens de des épisodes où est-ce que j'ai perdu la carte, puis crié, puis j'ai fait des affaires, puis je me sens mal à ce jour, tu sais. Puis j'ai des épisodes dans ma tête que mon père a tilté quand j'étais jeune, puis qu'il a pété une coche, puis qu'il vargeait dans la porte, puis qu'il a fait des affaires qui m'ont perturbé. Tu comprends en plus maintenant, là. Mais je le comprends, exact, puis je le pardonne. Fait que je me sens mal pour mes enfants d'avoir eu ces épisodes-là, puis je peux pas revenir en arrière, mais je pense qu'ils vont comprendre quand ils auront des enfants. Je le souhaite. Mais je pense qu'on a tous une plus grosse charge mentale que nos parents aussi, là. C'est l'époque dans laquelle on vit, là. Je sais pas, tu sais. Ça dépend des parents que tu as eu aussi, je sais pas. J'avoue que je peux pas te généraliser là-dessus. C'est comme une maison, tu sais. Quand tu as une petite maison, tu remplis ta petite maison. Ouais. Puis quand tu as une grande maison, tu remplis ta grande maison. Ah, y a ça. Tu es tout le temps aussi rempli que ta charge ou maison soit petite ou grande. Ça doit être vrai. C'est peut-être notre problème de trop se remplir nos petites maisons d'abord. Exactement, tu sais. Exactement. S'il y avait un extrait à mettre sur TikTok, ça arrêtait ça. Là, on est rendu loin. Là. Ah oui, dans le chat, les gens ils disent... Elle est différente de charge mentale, effectivement. Là. Que les jeux Mortal Kombat, en effet, à une certaine époque, Mortal Kombat aurait été un jeu d'arcade perturbant pour les gens. J'ai joué sur PS2, Super NES, c'était pas aussi perturbant, Super NES. Là. Non. Ma mère était bien nutrée de ce jeu-là. Je pense que j'ai déjà dit souvent. Là. J'étais un ado, là, mais... Ouais, tu l'as déjà parlé, en effet. Mais oui, mettons, pour un petit flow de 6 ans, là, voir du monde se faire arracher la tête, c'était quelque chose, là. Splatterhouse, totalement, c'est quelque chose aussi. le jeu Atari où tu dois... ah ouais, c'est... La demoiselle. Le jeu de sexe là, sur Atari. Ah oui, là, ça s'appelle ça. La fin de cowboy, c'est ça? Ouais, l'espèce de sergent là, de la cavalerie là, qui va comme violer la fille des Premières Nations sur, attachée au poteau. Fait que bref, oui, ça c'est un peu tough. Manhunt, j'ai jamais joué, mais ouais, les gens ont trouvé ça rough, hein. En effet. Bon, pauvre King Nadera, quand il était jeune, son père voulait pas qu'il aille de Nintendo parce que c'est trop rough. Custer's Revenge. Custer's Revenge, en effet. Comment j'ai fait pour oublier ça? Ben, ça a subi tellement facilement. Ah ouais. Pauvre Chief Langlois qui a reçu des coups de pied aux fesses en bottes de cow-boy de son père. Moi, mes parents, ils me tapaient avec le tumouche. Ah ouais, ouais. Ses fesses, là. C'était dégueulasse, en plus. Il était tout sale. T'sais. Eh oui, des vieilles mouches mortes ses fesses. Ah, il prenait le tumouche, puis tac! Non, tu vas m'arrêter ça. Faut parler la différence de c'est génération. C'est malade, là. T'sais. Puis moi, j'oublie ça. Là, je vois mes parents. Eh. Ah ouais? Ben, c'est sûr faire. C'était... Non, mais je repense pas. Je leur en veux pas. Moi non plus, je repense t'sais, jamais je pourrais ça, comme être en tabarnak de ça, mais je suis pas en tabarnak de ça. Je suis en tabarnak de d'autres injustices qui ont mal lu. Genre, quand je me suis fait pogner avec des amis qui fumaient du pot, puis ma mère voulait m'envoyer en désintox, complètement déconnecté, comprend rien. Puis qu'elle m'a... Moi, j'avais des billets pour aller voir le show de Fugees avec Cypress Hill puis à Tribe Called Quest Montréal. Puis j'étais en Beauce, j'habite en Beauce. On s'était tous setupés, on va monter en char avec le char à Tom, whatever, je me rappelle plus qui. On a nos billets, tout. On s'en va voir Fugees, on va dormir au condo du père à Tom. On a notre weed, on va faire le party. Puis là, on s'est fait buster par la police, genre en char. Puis là, mes amis avaient du weed. Fait que là, j'ai dû dire à mes parents qu'en effet, je me tenais avec du monde qui fumait du weed puis que moi, j'en fumais de temps en temps. Puis là, man, ma mère, elle a capoté, ben raide. Puis tu iras pas à ton show, tu prendras plus le char pendant des mois, puis tu parleras plus à tes amis, puis tu feras plus rien de ça. T'sais. Fait que, puis ça, c'est une mauvaise lecture de ma mère de la situation réelle. Puis c'est de l'injustice qui m'a fait chier en tabarnak, tu sais. Mais me faire taper quand j'étais jeune, je sais pas, je repense jamais à ça. Tu mouches ses fesses, ça, je connais. C'est fou, pareil. Oh là là. Bon, OK. On est rendu en violence corporelle. On est dans... Oui, c'est ça. C'est ma troisième bière. Ah, on se rapproche des fêtes, c'est ça qui arrive. On s'ouvre, là, on va se livrer. Simon... Ah non. Simon Faubert. Ah ouais, donc un petit top hommage à Rétro Nouveau. Votre top 5 de la série Mega Man X. C'est ouais. J'ai même pas joué à 5 Mega Man X. Désolé, man. J'ai joué 1, 2, 3. Le 1 m'a mind blown dans le temps. Le 2 est un peu plus complet. Le 3 est un peu moins bon. Fait que, I guess, j'ai pas joué beaucoup 2, à ça, moi. 1, 3. Voilà, c'est fait. C'est réglé. Dom Renault, que penses-tu de la Sega Genesis Performance titre IP? My God, c'est une question très ouverte, ça. Ça serait une question à poser à Fred à son spectacle. Ouais, ben lui, on sait qu'il l'aime, il a le full set en bois. Exact. Okay. Moi, j'ai très peu joué de Genesis. Toi, t'as-tu... Ben moi, la Genesis, mon plus gros souvenir, c'est que c'était mon ami Jeff Mallette qui l'avait, puis que j'avais une Super NES, puis que des fois, on se l'échangeait, puis j'allais me louer des jeux, mais j'ai pas plus joué, puis j'ai juste souvenu que c'est une console qui était plus belle, selon moi, que la Super NES, le côté graphique, là. Ouais. Je vois qu'il y a des plus beaux jeux, c'était plus radical les jeux que le Super NES. Ah ouais. Dans le temps de mon souvenir de quand j'étais jeune, Master. Ah, t'as le droit. C'était ça là. Mais j'ai pas joué beaucoup là. Je connais qu'il y a la Sega CD. Là. On a joué un peu à Sega CD. Après ça, hey man, t'as un des. T'as des belles enfances. T'es la seule personne que je connais qui étant jeune a joué au Sega. Ah ouais, on a eu joué à Sonic CD, on était comme mind blown les deux chez Mallette dans sa chambre, là, comme oh my god, genre le graphisme. Ah ouais, hein. C'est ça. Ah, j'avoue. Mais moi, non. Le Genesis, pour vrai, performance, j'en ai aucune idée. Pour moi, j'aimerais l'explorer plus, en fait, le Genesis, moi. Ben, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour l'explorer follement, puis je l'explore jamais. Parce que je vois tout le temps jouer à des jeux Nintendo. Mais, je me fais une liste maintenant sur Google Doc de à chaque fois que j'ai un jeu que j'aime, hey, faudrait que je joue à ça. Ah ouais, t'sais, on oublie tout le temps. Là, ouais. Fait que je l'écris, puis c'est dans mon téléphone. Je peux faire ça de n'importe quand. Puis l'autre fois, je nettoyais et testais des jeux de Genesis ici, puis j'ai joué à Predator 2. Rien que pour le tester vite fait. Tu sais, quand on teste les jeux, on joue pas sti 5 minutes. Là. On boot le jeu, il part. Find pace start, ça commence. Ok, good. Mais là, j'ai essayé le gameplay un peu. Puis Chris, c'est un top-down twin stick shooter. Ah ouais? Ben, pas twin stick, il y a un stick. Ouais, ouais, mais c'est un top-down shooter de cool. Ce style-là. Ah. Je suis comme, oh, c'est donc bien hot. Fait que là, je l'ai noté. Puis que là, j'ai sur ma pocket, quand j'étais il y a deux semaines au tournoi de hockey de mon gars à Gatineau, j'ai popé ma pocket. Puis je vais jouer à Predator 2 sur Genesis. Puis j'avais des tonnes de plaisir jusqu'à ce que je pogne le boss du troisième niveau qui est absolument pas tuable. Fait que ça, brisé raide rendu là. Donc, la Genesis est totalement à découvrir comme machine. Il y a Rolling Thunder. Thunder sont excellents. Il y a plein de bons jeux sur Genesis. C'est juste que je ne la connais pas vraiment, cette console-là. Fait que faudrait que je me fasse une liste, peut-être une feuille complète juste pour la Genesis. Fait qu'il y a de quoi là. Performance, aucune idée. Et puis voilà. Voilà. Sinon, dans ma collection de Genesis, j'ai quelques jeux. Les Streets of Rage, Shining Force, mon grand classique. Mm-hmm. Le jeu de McDo. McDonald's, Treasure Island, machin. Qui est un jeu développé par Treasure, qui est un excellent platformer. Mickey, les jeux de McDo, là. Tout le temps, les jeux tout de temps, McDo. Tout le temps, la qualité. Castle of Illusion. Ouais. Excellent. That's it. Pas mal ça. Ouais, Sonic Spinball. Oui, c'est bon, Sonic Spinball. J'aime beaucoup. J'ai jamais fini, mais j'aime beaucoup. Oui, moi aussi. C'est un jeu qui donne l'impression qu'on peut le finir aussi. Ouais, puis c'est un jeu de pinball que t'as de l'impression d'avoir un minimum de contrôle dans ce que tu fais au moins. Puis il y a mixé qu'un peu de platforming. Tu sais, les pinballs, on meurt vite. Puis dans Sonic Spinball, tu meurs pas vraiment. Presque pas. Tu tombes dans le trou, dans l'eau, mettons. Mais tu peux revenir. Ouais, tu reviens. Absolument. Stéphane Talbot. Bonjour les amis. Les chers amis. Hello. Bien le bonjour, chers amis. Ouais, en fait. Il y en a du stock là-dessus. Ça, c'est moi qui l'ai tout croche. Quels sont le ou les jeux qui vous font le plus rager au point d'être, comme on dit, en gros tabarnak après votre session de jeu? Battletoads. Toujours et pour toujours. Là. Un jour, c'est un des dossiers de ma vie, il faut que je règle un jour ce Battletoads. Je me rends loin puis je le finis pas. Là. C'est très faisable. C'est très faisable. Je me rends au level 12, il y a le 18, je pense, puis c'est tough. Là. Level 3, je pense, c'est un bout de tunnel. Le monde sont comme... C'est dur, puis tu le passes, ça devient facile. Alors, Chris, ça devient encore plus tough après, là. C'est tough. Ouais, le turbo tunnel, c'est vraiment. Il y a des warps. C'est comme dire que les Turtles, le niveau c'était en dessous de l'eau. Ah non. Il est tough. C'est pas tough, là. C'est rien. Il y a des passages, par exemple. Oui, ouais, mais c'est dur. Ouais. C'est facile. Ah ouais. Ben, ou pas dur. C'est ça. Mais man, j'ai pas une. Rager. Parce que si un jeu me fait rager, c'est parce que. Comme on disait tantôt, il est unfair, puis ça me plaît pas, puis je vais pas jouer. Là. Oh, bon, manque d'idées. Je m'en dis bon, pas super en doute, là, mais... Battletoads. Hamihel Racine. Salut les gars. Avec un futur où les jeux vidéo vont probablement être digitaux. Croyez-vous qu'il va y avoir un boom pour les compagnies comme Limited Run, Strictly Limited, etc. Si les gros studios permettent un nombre limité de sorties de leurs titres, et en passant, je vais voyager du fin fond de l'Ontario au fait pour faire un tour à Montréal. Je vais m'arranger pour passer à Retro NTL et à l'arcade aussi. Hey, c'est fantastique ça. Nice. Puis laisse-nous savoir. On va être tous à l'arcade le 28 probablement, décembre. Ouais. Si jamais t'es là, on est tous là cette journée-là. Ça va être fou raide. Et puis, moi, j'arrête de travailler le 23. Alors... Le 20, moi. Ça nous fera plaisir. Demande au staff si tu viens ici, si je suis là. Je suis sûrement là. Lance des boules de neige dans la fenêtre en arrière du bureau, là. Puis... C'est ça. Ramasse, tasse les vidanges, là. Va entrer. Fait que... Donc, est-ce qu'il y a un futur, GF? Est-ce que... Mais ça va dépendre. Les consoles qui vont sortir après vont-tu avoir un... Genre, de quoi pour lire des cassettes physiques? Parce que si, mettons, la nouvelle PlayStation n'a plus de disque, ben non, ça va être juste digital, il n'y aura, pas de release physique. Non, en effet, mais est-ce que les jeux Limited Run, PS4, PS5, va y avoir un boom pour ça? T'sais? Ah, de ceux qui existent déjà, tu parles? De ceux qui existent déjà, ouais, c'est ça. Attends un peu. Ils vont probablement être digitaux. Croyez-vous qu'il va y avoir un boom pour les compagnies Puis si les gros studios permettent un nombre limité de sorties de leur titre, je vois pas pourquoi ils permettraient pas d'avoir... Ils limiteraient les sorties, là, par contre. Mais si... je suis pas tout à fait sûr de comment cerner la question. Mais moi, je pense que si, anyway, le sport physique arrête d'être produit, il va prendre la valeur. C'est ouais, sûr. Oui, c'est sûr que oui. Il va y avoir une demande, là. Donc, ouais, la Switch 2 va être physique. Là, ouais. Le 28. Ah, mais oui, la Switch 2, d'ailleurs, s'en vient. Puis, va être rétro-compatible, c'est sûr. Sinon, ils se tirent dans le pied. Ben, ils l'ont dit, là. Okay. C'est annoncé officiellement. Ça, c'est sûr. Fait que ils vont faire des jeux physiques. C'est sûr que la Switch 2, il va y avoir des jeux Switch 2. T'sais, ça va être écrit Switch 2 sur la boîte, là, si c'est le nom de la console. Ça va exister, ça, là. Ce sera pas ça, mais ouais. Fait que dites-vous qu'il y en a encore pour un autre. Combien d'années? 7-8 ans, tu sais, un coup que la console sort. Est-ce que la PlayStation 6 va avoir des jeux physiques? Ça, c'est un game. Ça, dur à dire, ça c'est très dur à dire. Puis moi, je pense que Xbox fera même pas d'autres prochaines consoles. Là. Puis tu sais, s'ils font des jeux physiques, ça va probablement être en plus, comme la plupart des jeux physiques PS5 en ce moment, on dirait que tu fais juste activer ton jeu puis download après. Là. Mm-hmm. Fait que c'est comme une clé d'activation sur un disque, là, quasiment. Là. Exactement, il n'y a plus rien sur ce disque-là, là, tu sais. C'est très weird. Fait que, en tout cas, c'est soit ça ou il y a trop d'updates, là. Genre, ah, mon jeu de lutte, 92 gigs d'updates. Ouais, on tabarnak. Jour 1, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben, ça va être ça la vie, man. Ah, ouais. Ça va être ça la vie. Il n'y aura plus de support physique, mais bon, pour la valeur, moi, je pense que oui, les jeux physiques vont prendre la valeur. Alors, si vous êtes inquiet pour votre collection de jeux Switch, ne soyez sans crainte. Moi, je prédis que toutes ces affaires-là vont prendre la valeur avec le temps. Et puis, qu'est-ce que vous... Avez-vous des jeux GameCube chez vous, présentement? Moi, j'en ai. Ils ont-tu pris de la valeur? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres façons de jouer que sur une GameCube? Non. Fait que, voilà, ça prend de la valeur. Et puis, voilà. T'as une GameCube chez vous, et puis t'aimes ça. Fait que, voilà. J'ai tout ça et je joue pas. Non, mais non plus, mais c'est... Ben, moi, j'ai pas ça, puis je joue pas. Mais c'est beau, ça, c'est beau, un GameCube. Ah oui, c'est beau. Faudrait que je repime ma collection, que je l'affiche comme fièrement, là. Pensez à ça. Patrick Doyon, quels sont vos trucs et astuces pour prévenir et combattre l'insomnie? On l'a parlé au fond. On l'a fait. Simon Parenteau, salut les gars. Je me demandais si vous alliez faire une émission spéciale pour vos tops cette année. Et si oui, ça serait malade le retour des gars de Rétro Nouveau pour cet épisode. On l'a parlé ça aussi, je pense. Là. On l'a dit... Ouais. Je pense que ouais, on a-tu parlé? Faire un top annuel on a déjà avec parlé, Bruno et Fred. On est un peu dernière minute. Allez, on est dernière minute en tabarnak. Puis j'ai pas joué assez de jeux, je pense, cette année pour faire un top. Honnêtement, ça va être tous mes jeux que j'ai joué cette année que j'ai critiqué. Ouais. Ah, ça se fera pas. Tous les jeux de top lane. Tous les schmops. Chief Langlois dans le chat qui dit Xbox ne font plus de jeux physiques sur précommande seulement. Haha, j'ai tout ça et je joue pas. Là, elle est bonne. Ben ouais. Ouais, ça, c'est le cas de tout le monde. Fait que, non, c'est une bonne idée, Simon Parenteau, mais. Mauvais timing, là. Mais on s'est pas parlé, puis tout le monde en a son assiette pleine. Tout le monde est dans le rush en ce moment. C'est déjà un miracle qu'on fasse un show deux semaines. Exactement. Mais ça serait joli. Ça serait... Ouais. Mais est-ce qu'on va faire de quoi, nous autres, JF? Ben, y a-t-il un épisode dans deux semaines? Ça serait le dernier de la saison. Attends, dans deux semaines, on va être le 18. Le 18? Est-ce que c'est le dernier show de l'année en ce moment ou il y en a un le 18? Ah, sais-tu? Je pense que oui! T'es-tu occupé? Sinon, moi, j'ai de quoi? Mardi, le 16, c'est mon party de Noël, je crois. Faut jouer mon agenda. Est-ce qu'on n'est pas préparé? Non, c'est ça! Puis le 19, je m'en vais voir un show d'humour avec les amis. Là, je peux pas faire entre les deux un podcast. Là, je vais décéder live. Là. Moi, j'avais juste un congé cette semaine-là, puis c'est le mercredi pour faire un podcast s'il y avait de quoi. Fait en tout cas, c'est de ma faute. Ben, s'il y a pas de podcast, je ferai un stream tout seul chez nous, puis je remplacerai ta présence. Je pense que c'est le dernier jour de l'année. Fait qu'on aurait pu finir sur le 150e. On aurait mieux se planifier. J'aime ça que ça finisse sur 151. 151, genre début décembre. Il y aura un épisode de soirée du podcast vendredi prochain, d'ailleurs. Nick Chalifou sera présent là, pour compenser nos conneries de la semaine passée, moi, Dave et Alex. Là. Écoute, parfait. On est, tout le monde est bandé liné en ce moment, donc c'est très cool. Là. Ben oui, il a fait un but. Hey, il est utilette. Il amène son genre d'ovation. En tout cas, son ovation de début de game était insane. Là. Ah, le monde sont tellement contents. Yes, quelqu'un qui va savoir jouer au hockey. Ouais, ça reste à voir. Ouais, mais il est bon. Il est spécial. Très spécial. Là, man, on a encore du pain sur la planche. Faut continuer. Il reste 10 minutes, on les clenche. Jim Gendron, serais-tu capable de me nommer quelques jeux à avoir absolument dans sa collection Atari 2600? Jim qui est dans le chat présentement. Hero, Pressure Cooker. C'est tout. C'est une joke. Moon Patrol. Ouais, c'est l'affaire avec les dents, mais ça, c'est au télévision, je pense. Non, c'est Plaque Attack. Plaque Attack. Tu sais, pas mal tous les jeux d'Activision. Il y en a des moins le fun, là. Sky Jinx, là. Ben, bien sûr, Chess. Des affaires, là. Chess. Checkers. Tu sais. Tracker, Chess. Là, Ice Hockey, c'est pas bien bon, là. Skiing, là, c'est pas bien bon. Ice Hockey. Mais Activision, c'est pas mal tout bon, là, tu sais. Moi, j'aime bien Miss Pac-Man aussi. Ça, c'est bien fait. Astéroïde, tu sais, on y va dans les classiques. Defender fait sa job. Man, il y en a tellement. Voilà. Tu sais, je peux bien te dire Jawbreaker, tu sais. Ouais, c'est un jeu de Tiger Vision, puis vous aurez jamais la cassette de ça. Mais il est quand même. On a un chez Retro MTL, complet en boîte. Achetez-le. Depuis très longtemps. Okay. On le vend bien trop cher, probablement. Mais achetez ça. Mais Stampede, c'est bon. Bref. Il y en a quand même pas pire. Mais là, c'est relatif. T'sais. Bon au sens que c'est du Atari, tu vas jouer avec pendant 15 minutes puis avoir du fun et c'est pas mal ça. C'est du Atari. C'est ça, l'Atari. C'est ça. Là, t'sais. Absolument. Alex Neveu, Monseigneur, est-ce que Montembeau va jouer à la Coupe des Quatre Nations? Oui. Jeff, as-tu slacké de magasiner des cordes? On l'a fait, là-dessus. On l'a fait. Mais finalement, il a été accepté Team Canada aujourd'hui, il me semble, Montembeau. Ah ouais? On va le voir jouer dans le temps des fêtes, dans le tournoi. Ouais. Tabarnak, je savais pas qu'il y avait ce level-là. Ben, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de goalers disponibles, je pense. Puis c'est ce qui arrive, là. Mais ça, en tout cas, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça fait peur. Il va aller se blesser à la Coupe du Monde. On est pogné avec Kaelin Primo, esti. Ah, Primo, il est-tu mauvais, man? Ah, il était à une défaite de se faire sacré dehors, ou à l'envoyer au balotage comme Harvey Pinard. Ouais, ouais. Lord Kevin Dupont, avez-vous un souvenir d'une fois où, plus jeune, vous avez fait semblant d'être malade pour jouer aux jeux vidéo? Hey boy! Moi non. Là. Mais je me rappelle d'avoir déjà été genre en dessous des couvertures avec mon Game Boy, là, mettons, là, puis ma petite lampe. Là. Ça oui, là, tout le monde l'a fait. Là. Moi, encore aujourd'hui, quand je suis malade pour vrai, comme les jeux vidéo, c'est mon salut. Là. Ouais. Tu sais, t'es veg, t'es pas capable de rien faire, tu games. À moins d'avoir une maladie, tu sais, que t'es dans le lit, tu veux décéder, là. Mais outre ça... Oui, t'es à la bas, mais t'es à la switch, là. T'es ça... la gastro-grippe frappe, là. Non, mais tu fais de la fièvre, tu sais, t'es pas capable, tu peux pas sortir, là, tu sais. Comme gamer, dormir, gamer. Moi, c'est... Les jeux vidéo me servent beaucoup à ça, là. Mais je suis pas si malade. Mais c'est bon. C'est plus des séries télé quand je suis malade, de même, là. Aussi, en effet. Jeff, peux-tu nous expliquer comment ça marche la lutte à TV? Comment il choisit qui va gagner? Antonin Fréchette. Donc, Jeff, peux-tu nous expliquer comment ça marche la lutte à TV? Comment on choisit le gagnant? Comment on fait pour devenir lutteur au Québec en parallèle avec ton parcours que toi, tu as eu? C'est beaucoup de questions sur la lutte, ça. C'est beaucoup de questions sur la lutte. Ben, tu sais, je veux dire... C'est Vince qui décide. C'est le booker, en fait, qu'on appelle, là, qui est le gars qui écrit la carte puis qui est un peu qui écrit les histoires, fait que c'est pré-écrit. Exact. En fait, c'est des scénaristes, un peu, entre guillemets. Ouais, c'est un peu ça. C'est des scénaristes, écriveurs d'histoires qui utilisent les personnages. Exact. C'est de même, ça marche. Pis c'est juste que tes personnages sont vivants un peu, tu sais, puis c'est... souvent, en fait, tu vas voir le gagnant qui va être écrit d'avance, mais le match va pas être écrit. À moins qu'il y ait un finish très spécial, tu sais, quelqu'un est impliqué... Oui. Les gars vont... Un coup de chaise. Ouais, mais un coup de chaise, que l'arbitre tombe, il se passe de quoi, quelqu'un arrive à intervenir, mettons, pour faire avancer l'histoire. Sinon, c'est les gars, les lutteurs qui vont décider comment ils finissent le match. En général, ils vont se parler. On commence le match avec telle affaire, on finit avec telle affaire, implique le ref pour dire, hey, genre, on va finir avec telle affaire. Fait que soit, il y a bien des histoires aussi de genre, on planifie rien. Puis on fait juste y aller. Ben, à on fin, work with that. Là. Honnêtement, moi, quand j'étais à la fin, c'était ça. Là. C'était comme, comment on commence, à quelle séquence, puis on finit avec quoi? Puis après ça, genre, on se dit, on se call live dans le match. Fait que... Ouais, dans le ring, tu dis, là. OK, là, ça achève. C'est souvent, tu le remarques pas à la télé, mais les gars, quand ils se poussent dans les cordes, mettons, le gars, il pousse la main sur le chest, puis là, il s'approche de l'oreille, il va lui dire, genre, close-in. Puis des petits segments de même, tu le remarqueras pas à la télé, ça passe vite. Coupe les caméras, mais les gars vont se parler, là. Exact. Puis comment tu fais pour te rendre au top? J'aurais aimé ça le savoir, parce que je me suis pas rendu au top, mais j'ai quand même gravi les échelons un peu, là. Fait que tu commences souvent. Backyard, moi dire, là, sur des matelas dans ta cour, à te casser le cou à 16 ans puis à faire des conneries. Mais si tu veux être sérieux, tu vas dans une école de lutte. Là, Il y en a-tu au Québec? Il y en a plein au Québec. À part les Rougeaux, mettons. Bon, ouais, ben les Rougeaux, tu y vas, je pense probablement qu'il faut que tu payes. Je sais pas s'il y a encore leur école, mais... Chris, faut sûrement que tu payes. La NCW, la IWS sont tous des clubs écoles maintenant. Là. Ce qu'il y avait moins dans le temps, nous, on avait Marc le Grizzly quand j'étais plus jeune, qui nous entraînait. On montait un ring à Phillipsburg, et ça, on descendait là en char à chaque semaine. Le vendredi, on montait le ring, on se pratiquait, on se faisait pitcher à terre. Démontait le ring, on s'en allait. Puis là, tu vas acquérir des skills. Si tu viens, c'est bon, ils vont te mettre dans un show mané. Puis là, après, c'est de te faire connaître par ton talent puis juste ta personnalité. Là. Parce qu'après ça, t'es un peu responsable de ce que tu fais. Tu sais, le secret pour devenir un champion, faut que tu peignes avec la foule. Faut que tu sois bon lutteur, faut que tu sois bon acteur, faut que tu scènes. C'est... Ouais, soit overall good, là, c'est ça, là. Lutte Academy doit avoir ça au Québec. Lutte Academy, ça se peut, là. Ouais, ça serait une bonne... Ça serait de la bonne TV, ça. Dans mon temps, tu sais, il n'y avait pas YouTube. Là, maintenant, là, tu vas te battre contre plusieurs autres fêtes qui vont avoir des lutteurs de talent. Fait que maintenant, c'est la crème de la crème va monter, mettons. Mais plus facile de te faire connaître. Mais avant, c'était des tapes, tu sais, puis on se faisait inviter dans des plus grosses fédérations. Puis tu montais, puis tu montais, puis... Comme Kevin Owens, Sami Zayn, ils ont... Fini par aller le tour au Japon, fini par aller lutter à CZW, Ring of Honor, puis à force de réputation et de se faire connaître, ben là, tu montes, puis à mettre un appel de Triple H, veux-tu venir à NXT? Là? Fait que c'est ça qui arrive. Un appel de Triple H. Probablement. Là. C'est très très résumé, là, mais je préfère j'avais dit avec Dave qu'on le fasse, un genre de 2 heures, on va juste parler de notre histoire de la lutte, là, qu'est-ce qui s'est passé là, jusqu'à. Maintenant, là. Ben, ça serait une jasette, on va ressusciter la jasette un jour. Parce que tout le monde joue au hockey au Québec, mais tu sais, la lutte, c'est tellement. La lutte underground, ben, tu sais, le Rise, comment on fait. Il y en a tellement... plein, là, par exemple. Ben, il y a des fédérations qui sont moins bonnes. Fait que si t'es bon dans une fédération pas bonne, tu vas te faire rappeler par des fédérations meilleures pour être dans les bas de cartes, mettons, là. Ouais. Tu vas monter, là, tu sais. Exact. Faut que tu serves à quelque chose, tu sais. Moi, j'étais le mid-carder. Moi, j'étais le gars qui avait la ceinture intercontinentale, mettons. Là. Puis souvent, j'étais le gars qui ouvrait le show. Okay. Parce que le monde voulait m'arracher à la tête. Fait que ça part le show très dynamique. Là. Le gars rentre, genre, j'étais à Valleyfield, j'avais une serviette du club adverse, genre de hockey. Mettons, ok. Genre, le monde poussait les guardrails, me pognait sa gueule. J'étais comme, ok, moi, je sers à ouvrir le show, tu sais, puis à donner un bon spectacle pour commencer. Là. Puis c'est ça. Ah, le lutteur Marco de Québec est assez actif. Marco, c'est quoi son nom? J'ai un blanc. C'est un jeune, ça, ou... Non, il est pas si jeune, là, mais c'est un lutteur. Ah, j'ai vraiment un blanc sur son nom, là. C'est ça. Check ça pendant que je vais à la prochaine question de Maxime Langlois, qui est dans le chat, Chief Marco, Langlois. Marco Estrada, c'est ça, je vais me rappeler, là. Que pensez-vous de la nouvelle mise à jour qui s'en vient pour le PlayStation? Ah, on a parlé. Ouais. Après. OK. Larry, c'est quoi vos petites manies inutiles? On a parlé ça aussi. Sébastien Trottier, dans le temps, les jeux qui sortaient en même temps sur console de salon et console portable. Mikael Goulès, le professeur. Le gars de la fonction publique. Après tout, c'est le gars. Et généreux donateur Patreon maintenant. Oui. Après tous ces projets de podcasting. On a-tu vu ça aussi? C'est le joke de professeur, là. C'est que ça me fait rire, là. J'aime assez. De cacher l'identité sur Facebook. Après tous ces projets de podcasting, avez-vous un souvenir qui est gravé à jamais dans vos mémoires? De podcasting? On a super bien ça. Je pense pas. Souvenir de podcasting. Moi, c'est... Toutes les discussions chez nous au condo, moi, que genre, des très beaux souvenirs là, mentaux de tout ça. Il me semble que c'était une belle époque, là. Ben moi, c'est des époques un peu... Toute l'évolution de partir de genre... Chez Bruno, chez vous, l'heure et demie, chez Moreau, l'Arcane Montréal, partout. Toute cette évolution-là, je trouve ça fantastique. La création... On est rendu dans ton building quasiment, là, genre en ce moment. Là, tu sais, c'est... Ah, on a passé proche d'être dans ton building. Mais genre quand même, en bas, je regarde par la fenêtre, là, puis c'est ton magasin. Là, tu sais, c'est l'aboutissement de tous ces efforts-là est là. On est dedans. Là, tu sais, j'avoue que c'est hot en esti. La création, tu sais, mettons, des amers gamers, tu sais... mettons les débuts où est-ce que moi puis Bruno on brainstormait puis on pitchait plein de shit puis on essayait des trucs, tu sais, c'était quelque chose, c'était beaucoup de travail. Les podcasts All Stars aussi, les gros parties annuels. Ceux qui podcastaient, tu sais, un moment donné, on a fait ça sur le toit d'Ubisoft. Ouais, la première fois, c'était là, j'étais pas là. Et puis Talbot était là, tu sais, tout le monde était là. Puis la bière était fournie par le Brouhaha, qui est un pub qui est maintenant fermé, malheureusement, à Montréal, qui vient de fermer d'ailleurs, out of nowhere, personne comprend. Ils font de la bière, ces gens-là, ma brasserie. Donc, les produits de ma brasserie étaient les bières du Brouhaha. Là, je dis ça, mais il y a beaucoup plus que ça derrière tout ça. Mais bref, puis à ce party-là, ils fournissaient la bière, puis deux bières, une blonde puis une IPA. Puis moi, je savais pas ce que c'est. J'avais jamais bu une IPA. J'en ai déjà parlé de ça. Là, je bois ça. Que c'est ça, tu sais. C'est gratis. Je comprenais pas. C'était gratis. Fait que j'ai découvert la IPA comme ça, en aimant pas ça. C'est la tribal IPA qu'il y avait. Fait que ça, oui, c'est ce moment-là de sur le toit. Le deuxième podcast en soeur, après ça, que j'étais là, c'est là qu'il y a eu la création d'RZO aussi. Là, oui, c'était passé là, c'était là. Oui, la création d'RZO est un moment quand même, de podcasting à travers nos projets. Puis c'est on un avait accomplissement fait un quand même. Là. Absolument. Puis on avait fait un brainstorm chez nous aussi à ma maison. Là. T'étais-tu venu ça? On était avec Éric Lafontaine. On avait été à un resto aussi m'amener pour oui, ça. Oui, on était là. Allé au resto en face de Musique Plus avec Bruno. Collègue à Éric Lafontaine qui faisait le dernier des podcasts. Maxime Paiement, en effet. Le nom du show était un hommage à Le dernier des Boy Scouts. Le film. Oui. Parce qu'eux autres, ils parlaient de films d'action. Et de séries télé, là, d'action aussi. Là, il y avait Kiss Breaking Bad, puis une coupe d'affaires. Là. Ouais. Et il y avait fait Robocop aussi, qui était un de leurs épisodes, un de mes épisodes préférés. Tout ça, mesdames et messieurs, se passait il y a 10 ans. C'est là. Fou, hein? Puis là, à cette heure, on parlait de podcast. Hey, c'est le nouveau podcast. Man, je suis sur TikTok et je vois que ça, des séquences de podcasts. On faisait ça quand personne n'en faisait. Si qu'on faisait ça avant tout le monde. Là. On faisait ça, man, puis ce monde-là était au biberon, tabarnak. C'est vrai. C'est ça pareil, là. Ces jeunes-là là, qui se partent des podcasts puis ils disent rien, puis ils disent la merde, puis ils s'invitent tous entre eux puis qu'on parle leurs stats. Tu sais, on faisait tout ça là, tellement avant. Là. Avec l'équipement coûte pas cher puis que la technologie soit là, mais genre tout ça, retourne vos TV, tous ces tournages, tout l'effort qu'on a mis, je me rappelle de ça, mais genre en bout de ligne là, c'est tout le fun je pense qu'on a eu à faire ça, moi qui me reste là, beaucoup là. Oui, il y a pas eu un podcast que je suis comme c'est de la crise de merde, qu'est-ce que je fais là, genre tout le temps le fun, tout le temps. Ah moi aussi, hein, tout le plaisir, j'ai aucun mauvais souvenir de juste du plaisir là, de rien, en effet, tu sais, puis on a mis beaucoup de temps là-dedans. Quelle belle idée de mettre ça comme passe-temps pour vrai là. Quel bon choix. Puis là, on est riche maintenant sur Patreon. C'est-t-il. On est riche. Ça paye mes tailleurs d'hiver. Les tailleurs d'hiver. Charles Trudeau. Est-ce qu'il y a des jeux consoles rares que vous préférez vendre sur eBay parce que c'est trop obscur et que ça vendrait pas rapidement localement? J'imagine qu'il fait référence à Retro Montréal pour cela. Probablement. On a une personne à temps partiel sur eBay qui s'occupe de mettre sur eBay des choses. Ouais. Et on utilise eBay, nous, pour vendre la cochonnerie. Donc, des affaires très changos. En fait... Ce qui ship worldwide, là, un peu plus, là? Ou... Ben, un peu, mais la règle de base, c'est qu'il faut que tu réfléchisses à combien de temps ça prend pour essayer de vendre telle chose. Okay. Parce que, mettons, nous autres ici, on rachète quotidiennement des jeux. Là on se parle. Si tu regardes par la fenêtre là-bas, tu le verras pas, mais en tout cas, il y a des bacs de jeux qu'on a rachetés aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, je sais qu'il y a des jeux Atari là-dedans, des affaires. Puis, pour mettre en inventaire, nous, sur notre site web et en magasin, pour tout le monde, pour le monde entier, à travers notre boutique, pour que les gens voient ça, je dis le monde entier, mais c'est le Canada, puis un c'est petit peu aux entier. États-Unis, puis un petit peu en France. Mais c'est le monde entier. Et puis, pour que notre jeu se rende du bac de rachat jusqu'à ses tablettes et notre site web, il faut qu'il se fasse mettre dans le département de nettoyage. Il se fait nettoyer, il se fait tester. Ouais. Après ça, il va dans le rack ici en attente des gens du département de mise en ligne parce qu'eux, ils ont des missions. C'est comme, OK, aujourd'hui, on fait le Genesis, puis on fait Everything Sega aujourd'hui. On met tout le Genesis, le Dreamcast, tout ça, parce qu'on veut une belle photo de Sega en fin de journée, parce que la fin de semaine approche, puis on pense qu'on va en vendre en fin de semaine. OK, demain, là, fuck nos familles de jeux, que c'est notre roulement, nos Uncharted, nos Assassin's Creed. Là, on est low sur ces jeux-là. Okay. On en vend continuellement. Ça, c'est toutes des analyses de données. Fait que là, OK, demain, vous allez faire que ça. Vous rentrez du stock, de même des 3x2. Ça en prend, on en manque. Fait que tout le monde a une mission. Et puis, si t'arrives avec des affaires, des jeux de Odyssey, scrap, puis on n'a pas de section sur notre site web Odyssey, puis ces jeux-là valent 10$, t'sais. Ouais, ouais. On va pas perdre notre temps à comme mettre ces affaires-là qui valent rien sur notre site web pour les vendre peut-être dans 6 mois quand une personne qui aime l'Odyssée va se rendre compte qu'on a ça. On va les pitcher sur eBay en vrac puis on va les vendre à rabais. Ou même, pire encore, plus rapidement que ça encore, on va les pitcher en liquidation. On va mettre une étiquette dessus, 5$, puis on va tirer ça dans un bac puis on va espérer que quelqu'un l'achète. Donc, quand on va mettre des affaires chères sur eBay, on peut le faire effectivement sur des... Un moment donné, on est tanné. Ça fait genre un an et demi qu'on a tel jeu... C'est comme qu'on n'arrive pas à vendre qu'il est trop, il vaut cher, mais il est magané ou il est très champ gauche. Puis, mais on essaye tout le temps de quand même mettre en magasin les belles choses, même si des choses champ gauche. Puis si ça ne vend pas, peut-être on va finir sur eBay. Mais avant de faire ça, on va baisser les prix. On va l'inclure dans une promotion fait. On va tout faire des pieds et des mains en fait pour essayer de le vendre. Mais les jeux de 3DS, c'est region locked. Donc ça va direct sur eBay. Parce que, mettons, toi, tu vas acheter Zelda sur 3DS, puis nous autres, on en vend un PAL ici. Puis là, tu vas l'acheter, puis ça rend... Tu vas pas lire description que nous autres, on dit, ne fonctionne pas, ça vous prend une console européenne. Tu vas pas lire ça. Tu vas tout Moi, je le saurais, je suis spécialiste des pochettes PAL. Je le spot. Mauvais direct, exemple, en effet. Mais les acheteurs de Zelda, c'est pas des collectionneurs. Mais anyway, personne ne lit jamais rien. Si on l'écrit, ils vont pas le lire, puis ils vont l'acheter. On a un Punch-Out sur Wii, la Wii Region Lock, un Punch-Out Wii européen, puis un Luigi's Mansion sur GameCube, qui se sont tellement fait racheter, rembourser. Ah ouais, à cause que... À un moment donné, on a arrêté. Ouais. Là, parce qu'au début, on les mettait, on se dit, il y a peut-être un Européen qui va le vouloir pour sa collection, whatever. Mais oublie ça. Le monde ne le voit pas. Le monde, il lise pas, tout ça. Fait que tout ce qui est Region Lock, c'est out immédiatement sur eBay. On veut même pas rien savoir de ça. Sauf, bien sûr, des affaires très hardcore de... PC Engine, whatever. Mais tout ce qui est commun, PAL, Region Lock, eBay Direct, on ne borde même pas avec ça. Là, Cyclone, est-ce que ça va être compliqué pour vous, RetroMTL, d'enlever la TPS sur les jeux pour 2 mois? Ça nous prendrait un autre podcast complet, rien que pour parler de ça. Mais oui. Rien que pour dire. La réponse est oui. Ce sera un défi. Et puis Martine est à temps plein là-dessus, à essayer de comme le faire pour que ça fonctionne dans le système. Et puis, c'est pas voté. Au moment où on se parle, il faut que ça passe par le Sénat. C'est pas officiellement fait encore. Mais on est prêt. Mais oui, non. Ta question, si ça va être compliqué, oui. Fait que c'est de la merde en tabarnak. C'est sûr que c'est de la merde. C'est tellement de la merde. Quelle idée de cabochon. C'est ça. Quelle idée politique cave de s'acheter des votes puis de mettre des bâtons dans les roues. Des idées dernières minutes là, de dernier effort. Là. Ah, man. Bon, ben, Chief Langlois qui s'en va. Merci pour le show. Ben, écoute, ce fut un plaisir. Nous autres avec, on va y aller. On a fini pour des questions. Il reste une question de Jean-François Joly. 75$, est-ce trop cher pour Infernax sur Switch, c'est eBay? Ah, je peux pas répondre à ça. Ben, on va aller sur eBay. On va aller voir. C'est-tu trop cher? Ah ouais, j'avoue, tu regardes les derniers vendus puis tu peux avoir une moyenne à peu près de ce qui se vend en ce moment. Là. Exact. Mais attention avec Infernax, il y a la version Limited Run puis la version Retail. La version PAL. Ah, et voilà. Alors, et voilà. Et puis, tout dans tout. On va aller voir ça. Vente réussie. Quand vous allez sur eBay, faites pas comme certains de nos clients qui sont comme, ben là, ça vaut 600$. J'ai regardé sur eBay. Mais t'as pas regardé les vendus. Il faut que tu regardes ceux qui sont vendus. Quelqu'un le vend 600$, mais il n'y a pas... Ouais, c'est ça. Moi, demain, je peux mettre cette canette-là 1000$ sur eBay. Ça veut pas dire que ça vaut ça. Hey, Fingercut qui gif comme s'il n'y a pas de lendemain. Ben, encore une fois, merci beaucoup au Finger Cut. Ben, il donne aux autres. On donne-tu aux autres quand il donne aux autres? J'imagine que oui. Parce que c'est comme un abonnement. Fait qu'il donne un abonnement. Il doit avoir une banque d'abonnements. Je sais pas trop, là. My God. Fait que oui, là. Fait qu'eux autres, ça leur enlève de la pub, là. C'est qui Finger Cut, en fait? Je sais plus. Exactement. On le saura assez vite. Je suis mêlé dans le monde. Ah, il dit oui. OK. Donc, ben, voilà. Merci. Mais bon, c'est pas... Let's go! Je suis déjà abonné. Il est abonné déjà. Ben oui, c'est très gentil de donner des tiers de même. Absolument. On apprécie beaucoup. On comprend rien de ce qui se passe, mais on apprécie beaucoup. Je comprends absolument rien, mais c'est juste des cadeaux de Finger Cut présentement qui est comme le Père Noël avant le 25. Oui, exact. Il n'y a pas de pub sur ce show-là par contre. Okay. Bon, ben au moins ça leur donne un abonnement à point. Et voilà. Ah, je comprends pas que tout ça veut dire qu'il n'y a pas de pub. Moi, j'envoie des pubs, là, il me semble. Je comprends rien. Alors, Infernax version Limited Run, mesdames et messieurs, c'est vendu à 54 US. Moi, je ne vais pas inclure le shipping là-dedans. Latement. Ouais, ça va bien. Hein? Ça va très mal. C'est moi qui chauffe. Pour le 9. C'est un 9. Il est sealed. 54 US. Je ne sais pas ça fait combien en canadien. On va aller voir rapidement. Trouve-moi un convertisseur. Il y en a un autre ici à 60. Il y en a un à 50. Ah, c'est la même crise de photo. Il y a un gars qui en a une coupe, là. 60 US. 50 US. 60 US. Fait que 55. 54, tu viens de tantôt? On va dire 54. 75 piastres. Et 97. Il avait dit 80, Jean-François? Il avait dit 75 tantôt, il me semble. OK, ben, tu serais pas mal direct. C'est pas mal ça, le prix. Puis, sinon, il y a les versions PAL sont moins chères, en effet. Mais en ce qui me concerne, ils sont pas mal moins désirables. En plus, le cover sur Limited Run, il est vraiment beau, là. Puis sur celui, tu sais, PAL, il est correct, là. Mais, tu sais, l'autre, je le trouve... C'est, tout est rouge, tu sais. Tout est... Tout est... Mais, es-tu capable de faire un Google Image Infernax Switch? Je vais vous expliquer, je vais vous parler de design 2 secondes, puis après on va avoir fini. On va avoir fini. Finger Cut, il dit, ça serait long de tout expliquer le fonctionnement de Twitch, mais dites-vous que je suis pas du côté Radio Talbot ce soir. Ah, parce que tu peux probablement mettre des publicités puis faire de l'argent sur les pubs que tu fais, mais nous, on monétise pas ce qu'on fait en ce moment du tout, là. Mm-hmm. Parce que je pense pas qu'on aurait un assez gros montant anyway, ça donne pas... Faire chier le monde de nos fans pour 12 cents, c'est comme fuck that, là, à un moment donné. Là. Ouais, ben peut-être pour 400$, on le ferait. Pour 400$, peut-être, là, mais je veux dire, c'est pas le cas, là. D'accord, là, Franck, dans le chat, s'il vous plaît, mettez pas les pubs. Ben non. Ben oui. Ben regarde, on voit, mettons le cover qu'on voit là, rouge. Ah, c'est ici, là? Ouais. Mettons ça, là, c'est le Limited Run. Okay. Regarde la composition, tout est rouge. Tout ouais, est fucking ouais. Violent, puis en feu, et rouge. Et puis, t'as la croix et les yeux du personnage qui pète, tu sais, ouais, qui éclate. Lui, il est au centre, tu sais, tout le monde burn en dessous, puis tout ce qui brille, tu sais, c'est la croix, puis ses yeux, il y a de la grosse intensité là-dedans. Si tu cliques sur l'autre qu'on voit là... Ça? Ouais, clique là-dessus. Ça, c'est... C'est un livre d'histoire, tu sais. Ouais, c'est un livre dont vous êtes le héros, là. Exact. C'est beau, là. C'est correct. J'avoue là, que j'aime mieux l'autre art aussi. Mais c'est très coloré, c'est cartoony, il y a un peu de tout, tu sais. Mais c'est comme générique, tu sais. Ouais, tandis que l'autre, il y a une belle intensité graphique dedans que j'aime beaucoup. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. On va le remettre, c'est tellement beau. Tiens, oui, c'est beau, aussi. C'est bon, surtout. Ah ouais, c'est tellement bon, magnifique. Le jeu. Ah. Fait qu'on est rendu à la fin du spectacle. On va mettre on a busté 12 minutes. Ouais, ben c'est correct, là. Voilà. C'est pas trop, 12 minutes. Ben non. Hey, on bustait beaucoup plus que ça souvent à Retournable. Exactement. Ouais, je suis pas pressé. Je suis pas à 12 minutes près, là. C'est pas sûr qu'il va me tuer. Ou d'autres choses, là. Finger Cut qui dit même sans les pubs, vous êtes supposé recevoir un montant X venant de tous les abonnements. Et tu devrais avoir ça dans ton PayPal, j'imagine, là. Oui. On le reçoit pas souvent. Ça se peut. Ouais, ça se peut. On n'est pas payé très souvent, me semble. Exact, exact. Les Patreons sont beaucoup plus payants s'il faut comparer. Mais ça n'enlève à rien qu'on est très ouvert à absorber diverses sources Non, il est revenu au titre. Hein, toutes les boîtes, ces revenus-là. Fait que même si Twitch nous donne 5$ par mois, hey, c'est 5$ par mois, ça paye les Joe Louis ou ça paye whatever. Le pire, c'est que je pense que c'est un peu plus que ça, en plus. Oui, oui, ben, je dis ça pour niaiser. Ben, c'est pas 100$ non plus. Non, là. C'est un petit peu entre les deux, là, je te dirais. Ouais, ben, j'en ai aucune idée. Faudrait qu'on regarde ça, c'était cette... Peut-être qu'il y a de l'argent qui dort, puis on était sur une mine d'or, on le sait pas en ce moment. Là. Ouais, il va où cet argent-là, en fait? C'est vrai, à toi, dans ton PayPal, j'imagine si tu l'as cédé comme il faut sur ton compte, je vais aller voir sur ton compte s'il est cédé comme il faut. Merci, GF, de t'occuper de ma vie. Mais c'est peut-être pour ça, d'abord, qu'on a plus d'argent qu'on pensait PayPal. Ah, ça se pourrait, ouais. Parce que Twitch nous en donne on aussi. On pourrait aller voir sur PayPal les transactions, voir si Twitch a du stock est rentré, effectivement. On pourrait s'en parler hors onde aussi. Là, puis... Ouais, ouais, on fera ça, parce que c'est pas très intéressant pour les auditeurs. Mais sachez, chers auditeurs. Comme une patate dans la bouche, ben oui. Qu'on est très heureux et reconnaissant ben oui, de tous les sous que vous nous envoyez. Et puis, on fait pas de folie avec ça. C'est dans non, le on compte. Se fait pas riche avec ça, mais ça paye le filage puis les affaires à changer. Puis, et ça va payer le décor. Ça va payer le décor. Ça va payer la carte graphique qui a pété quand on a eu Gawette cette année. C'est vrai, pauvre Gawette, avec la carte qui a pété. Mais bon. Ça a fait une belle photo de lui pixelisé. Là. Exact. Ah, puis si vous avez écouté aussi l'épisode de, où est-ce que j'étais invité au coin Game Over, la boutique de jeux vidéo à Saint-Hubert, on l'a mis en audio ouais, sur ton feed. Sur notre feed, en effet, et directement. Et puis on leur laisse là, la version vidéo à eux. Ça, c'est mais je vais faire sur ton YouTube une playlist genre Papa Cassette dans les médias, Claude Jean, puis tout ce qui est toi hors de ton podcast va être là, linké. À... Ouais, même la technique Moneyball, tu peux juste pogner l'audio et crisser ça là. Je pourrais. Je sais pas si ça le dérangerait. Je sais pas. Je pense que ça serait plate, ça le dérange, parce que j'aimerais ça l'avoir. Ah. On verra. On va checker ça. Et puis, donc, pour revenir au Game Over, je vais inviter Michael, en fait. La Flamme, son nom de famille. On va l'inviter okay. Au retour en 2025. Et puis, au début 2025, il sera un prochain invité. Alors, ça va être intéressant. Puis moi, je veux qu'on parle business, boutique de jeux vidéo. Parce que moi, quand j'étais invité, on a parlé de Castlevania et tout ça. Ouais, ouais. Mais le segment fort, c'est quand lui et moi, on parle business, tu sais. Fait que ouais, sans ouais. tout révéler, bien sûr, les gens ils apprécient de savoir comment c'est quoi les rouages d'une boutique de jeux vidéo, comment ça fonctionne. Fait que je pense que ça va donner un bon show. Alors, moi, je veux, moi, en 2025, je veux le gars de Baby Boomer 2, s'il te plaît. Ah ouais, ouais, on va le voir. Oui. Ça va être spectaculaire, je veux ça. Pour vrai. Ben, on a dit qu'on allait le faire. Ouais, ouais. Puis on l'a pas fait, mais je veux pas. On va le faire. Je veux pas le choquer. Puis j'aimerais ça qu'on aille prendre une bière à l'arcade avec notre dernier invité. Avec PA? Exact. Ben avec oui. PA, oui. Oui, en effet. Ça serait et avec les auditeurs, évidemment, aussi, à un moment donné. Là. Oui, la soirée à l'arcade avec les Patreons et avec le Hub. Oui, avec le Hub. Avec le les payeurs. Tu sais, on va faire de quoi, c'est sûr. Et il, y a, puis, il y a une date. On a piché le 28 décembre tantôt comme date dans les airs. Ça se peut que ce soit ça. Là. En fait, ça sera pas ça. Ça sera pas ça, OK. Parce que ça, c'est la soirée des chummies. Ah, c'est autre chose, ça, OK. Puis ouais. Si les Patreons et les gens ah, viennent... Ah oui, oui, c'est un autre truc, OK. Notre attention va être trop divisée. Et puis, ça marchera pas. Fait qu'on va faire un party quand... du Hub et de ton podcast ensemble. Oh. Oui, exact. Puis le podcast de Fred et tout ce monde-là. Puis, parce que je veux pas mélanger les chummies là-dedans. Je veux que ça soit leur moment. Ouais, qu'on ouais. soit 100% avec eux, tu sais. Pas qu'on soit entre deux chaises. On se split, ouais, ouais. Exactement. Les gaouettes qui chialent qu'on n'est pas des chummies. Qu'on n'est pas des chummies. Ben oui, aussi, on est des chummies. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on a fait deux. On parle de deux soirées séparées. Les chummies ah, et ouais. Le Hub. Mais non, mais... Quand on parle de chummies, on parle de nos chums proches dans la vie, c'est pour ça. Là. Exactement. Un podcast live, peut-être. Ce serait dur, par on contre. On l'a fait à l'arcade. Mais là, à l'arcade, ça marcherait plus. Là, non, mais... C'est... Ouais. Ici. C'est parce que... Tout un paquet de monde à côté. Debout, à rien de regarder. Qu'est-ce qu'on dirait dans un podcast live? Il faut comme adapter le contenu pour un podcast live aussi un peu, puis ça serait dur, je pense. Ah, je sais pas trop, là. Faudrait le faire à une place, là. Pour avoir des invités qui aient de l'allure pour avoir pertinence d'être live, peut-être. Je sais pas. On y pense. 2025 sera une nouvelle année. 2025, ligne ouverte. Exact. Oui! Oui, ben avant le show, j'en parlais à Jeff. Les lignes ouvertes que vous allez appeler, puis on va prendre... Vous allez parler dans le spectacle. Dire, on va vous entendre. Quel jeu d'Atari Lynx tu conseillerais? Puis on va répondre puis on live va vous flusher direct. On va dire, écoute bien. Écoute bien, on parlera pas d'Atari Lynx. On veut faire ça totalement les ça, lignes ça ouvertes. Ça s'en vient. Les lignes de cassette. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec la technique pour tout ça. Ah, ça va être fou. Yes. Bon, ben, merci, JF. Merci à toi, Dom. C'est-tu le dernier podcast de l'année ou ça se peut qu'on se revoie probablement pas, finalement? Je pense que non, on avait dit non tantôt. Okay, attends, ouais, là, j'avoue, attends. On, dans le chat, on va dire d'ailleurs bye au monde dans le chat avant de quitter, là. Ouais. On dit joyeux Noël, bonne année. On veut ça du Père Noël, un podcast live. Donc, merci au monde d'avoir été là encore une fois cette année. Merci de m'avoir accueilli très chaudement dans le podcast de chez Papa Cassette, là. Comme un intrus qui vient faire la technique, là. Ben oui, oui, mais on parle, là. On n'était pas rien qu'un gars qui fait de la technique. Non, non, non, j'ai hijacké ton show quand même. C'était toi uniquement, et là, je suis rentré, là. Dans, je suis m'en viens. Ben, tu m'as pas forcé, là. Non, j'avais besoin de réconfort. La porte, gaiement, et puis... Ben du plaisir, puis ben hâte de continuer tout ça. Tant plaisant. Ben oui, je te confirme que c'est le dernier show de l'année. All right! À moins qu'on en fasse un la semaine prochaine. Papa Cassette et Papa VR. Ça va être top, la semaine prochaine, j'ai un horaire. Ça fait longtemps que t'as pas fait de VR, hein. Ouais, je reviendrai peut-être avec Batman là, l'année prochaine, puis une couple d'affaires de VR. J'avoue que je suis dû pour faire du VR en critique là. Ouais. Mais ouais, fait qu'une belle année. Fait que oui, vu le timing, ça va être le dernier show de l'année. Mais c'est correct, c'est pas grave. Non, puis ça va me donner un petit break de choses à produire chez totalement, nous. Totalement, ça va te faire bon, du bien. Ouais, dormir un peu. Totalement. Hey, merci tout le monde. Ouais. C'est bien agréable. Merci d'avoir été là tout le monde. Yes. Fait qu'on se revoit l'année prochaine. Yes. OK. Ciao. Bye tout le monde.